vraiment réutiliser les sacs réutilisables, parce que les acheter à la caisse, c'est bien, revenir au magasin avec, c'est mieux. Et puis la proposition de loi va même plus loin, interdire les petits sacs. Oui, les petits sacs de la boulangerie, de l'épicerie, le bête-sac en plastique de tous les jours, terminés, ils seront interdits, sauf s'ils sont compostables. Attention, on parle bien ici des sacs à la caisse. Les sachets des rayons de fruits et légumes, par exemple, eux restent autorisés et gratuits, toujours s'ils sont compostables. Voilà pour la proposition de la ministre, c'est sur la table du gouvernement. Il faut maintenant discuter avec les supermarchés et les magasins, mais globalement, ils sont pour. Il faudra aussi discuter des éventuelles dérogations et puis il faudra harmoniser au niveau national parce que chaque région a déjà pris des mesures dans son coin. Marie-Christine Marguem, la ministre de l'Environnement, espère bien que les sacs deviendront payants d'ici la fin de la législature en 2019. Merci Simon Bourgeois. On note également dans l'actualité le Solar Impulse 2 qui a décollé il y a quelques minutes. Oui, cet avion qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire a décollé de New York direction l'Europe, Séville en Espagne plus précisément. Un trajet qui va durer plusieurs jours puisque la vitesse de croisière, c'est 50 km/h. Alors, aux commandes, le Suisse Bertrand Piccard. Il a relayé l'autre pilote, André Borschberg. Donc, pour André Borschberg, c'est une traversée symbolique, cette traversée de l'Atlantique. C'est une longue traversée, puis c'est aussi un vol extraordinairement important. On aimerait que ça soit finalement pour les énergies propres ce que le vol de Charles Lindbergh a été pour l'aviation, c'est-à-dire vraiment un changement de perception, de mentalité autour de ces technologies-là. Donc c'est vrai que c'est un vol extraordinairement important. Ça va être un vol, je pense, personnellement très fort pour Bertrand. C'est un vol de 3-4 jours. C'est sur un océan extraordinairement beau, mais aussi extraordinairement grand. Donc je suis sûr que ça va être une expérience fantastique pour lui à titre personnel. Voilà, et on rappelle que le Solar Impulse 2 est parti d'Abu Dhabi en mars dernier. Il est parti donc pour un tour du monde. En bref, en Italie, la percée du mouvement 5 étoiles, ce parti anti-système, dirigera désormais la ville de Rome et Turin. Sérieux revers donc pour le chef du gouvernement Matteo Renzi, qui garde tout de même Milan et Bologne. Les enseignements de la soirée d'hier à l'Euro de football, maintenant la Roumanie qui est de retour au pays, l'Albanie qui attend et la Suisse et France qualifiées. Et puis l'Euro, ça continue. Ce soir, deux rencontres à 21h, deux rencontres à suspense, puisque aucun des quatre pays du groupe B n'est encore qualifié pour les huitièmes de finale. Russie-Pays de Galles, un match à risque, et Angleterre-Slovaquie, c'est le programme du jour. L'Angleterre qui joue avec maturité dans cet Euro. Écoutez l'attaquant Wayne Rooney. Oui, et je pense que ce n'est pas que depuis ce tournoi. On l'a déjà vu durant la campagne qualificative et certainement les 6 derniers mois. Je pense que les joueurs savaient qu'ils devaient jouer comme ça, qu'il fallait se relever pour réussir ce tournoi, et je suis sûr et j'espère que cela va continuer. La Slovaquie est une bonne équipe, avec quelques individualités qui savent dribbler et faire la différence qui permet de gagner un match. Nous devons être prêts dès le début. C'est un match que nous devons gagner. Voilà, et donc les Diables Rouges ont quant à eux entraînement à 16h30 cet après-midi. Demain, départ pour Nice où ils affronteront la Suède mercredi soir. RTBF Mobile Info, Stéphane Piebeuf, il y a des ralentissements en province de Hainaut. Provoqué par des travaux sur le 42, c'est le chantier entre Boisden et Manage. Entre Oudin et Boisden en direction de Liège, vous êtes ralenti ce matin sans grandes conséquences. Et puis le chantier de Cherat en province de Liège sur le 40 et Aix-la-Chapelle-Bruxelles vous ralentit entre Barchon et Herstal. Pour rejoindre la capitale, il faut ajouter une vingtaine de minutes supplémentaires sur le 411 qui vient de Namur, sur le 40 qui vient de Liège et également sur le 40 qui vient de Gand, ainsi que sur le 19 qui vient d'Anvers. Vous êtes ralenti entre Malines Nord et Malines Sud. On ne peut pas en dire autant du ring où la situation est assez compliquée. Un accident impliquant une moto s'est produit tôt ce matin en circulation intérieure entre Usingen et Bercel. Dans les files déjà bien présentes à cause du chantier à Anderlecht, la bande de gauche est neutralisée. Du coup, il reste deux voies de circulation seulement en direction de Grand Bigard. Il y a donc des files sur plusieurs kilomètres avec des répercussions sur la Nationale 6, la chaussée de Mons, entre Drogenbos et Forêt en direction de Grand Bigard. Autre accident sur le ring en circulation extérieure cette fois, hauteur de Jette. Une bande de circulation est neutralisée. Il y a des files en direction de Grand Bigard. Coup d'œil sur les temps de parcours qui sont conséquents. 40 minutes supplémentaires pour la circulation intérieure entre Haut-Titre et Grand Bigard. 23 minutes entre Grand Bigard et Zaventem. Pour ce qui est de la circulation extérieure, vous êtes ralenti entre Ytre et Léonard. Il faut ajouter 50 minutes et 40 minutes entre Zaventem et Grand Bigard. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 9h09 sur la Une Télé et sur Vivacité. C'est vous qui le dites, c'est tout de suite, c'est avec Benjamin Maréchal. Alors je remets ma chemise valablement et on peut y aller. Merci Simon. Partie plongée, la bonbonne d'oxygène vous tombe sur l'orteil. Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. Europassistance.be, you live, we care. Les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 0 septembre 233 466. C'est vous qui le dites. Dans un pays qui est toujours en niveau 3, voici trois débats sur la table, un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 0 septembre 233-466, d'après les statistiques officielles, un Wallon est au chômage depuis 42 ans. 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez. Les chiffres permettent régulièrement d'avoir un portrait de nos chômeurs et cette fois la loupe est placée sur les chômeurs dits de longue durée. On apprend donc que sur les 417 432 chômeurs recensés en 2015, eh bien 66% le sont depuis plus d'un an et 45% depuis plus de deux ans. C'est pas tout. 11 972 Belges sont au chômage depuis plus de 20 ans et un homme ou une femme, on n'en a pas le détail, un homme ou une femme est au chômage depuis plus de 42 ans. Quelques infos, le compteur d'un demandeur d'emploi n'est remis à zéro que s'il retrouve un travail pendant au moins 3 mois. Ce chômeur-là a donc peut-être eu quelques mini-jobs. Il n'a pas été exclu du chômage. C'est la preuve soit qu'il cherche, mais que son niveau d'études ou sa situation sociale ne permet pas de trouver un employeur. Donc c'est la preuve que soit il cherche, soit il est passé à travers les mailles du contrôle. Mais comment? C'est la question pour vous ce matin. D'après les statistiques officielles, un Wallon est au chômage depuis plus de 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez. Attentat, ça recommence. On dit que l'écran géant de la place Rogier était visé. Des entrées de métro sont fermées ce matin. Honnêtement, faut-il éviter Bruxelles? Alors que toute la Belgique samedi se réjouissait de la victoire des Diables contre l'Irlande, eh bien on apprenait que nous avions été à nouveau ciblés. Les écoutes téléphoniques ont donc fait état d'un attentat qui devait se produire ce week-end. Tous les regards se sont tournés vers cet écran géant installé à Place Rogier. L'écran est désormais fermé jusqu'à demain. Dans la nuit de vendredi à samedi, la police, elle, a visité 152 box de garage. Elle n'a pas trouvé d'armes et a interpellé 40 personnes, dont 3 sous mandat d'arrêt. Deux hommes font même partie de la famille des frères El Bakraoui, qui étaient impliqués dans les attentats de l'aéroport et du métro du 22 mars. Et puis hier, les fausses alertes se sont multipliées, y compris à la gare centrale. Ce matin, le métro roule, mais on a fermé des entrées de station à Botanique, Bourse Rogier de Brouckère. Question pour vous donc ce matin. Attentat, ça recommence. On dit que l'écran géant de la place Rogier était visé. Des entrées de métro sont fermées. Honnêtement, faut-il éviter Bruxelles? Et puis au 0 70 233 466, un fumoir installé juste devant l'entrée de l'hôpital de la Citadelle à Liège fait polémique. Un fumoir devant un hôpital, ça incite à fumer? Faut le retirer? C'est donc la Meuse de ce week-end qui raconte le scandale. Le fumoir n'est pas neuf, mais il vient d'être déplacé et sa photo, c'est un fumoir qui est en forme d'abribus, a donc fait le tour du web. On pouvait lire « Un abri pour fumeurs financé par les professionnels du tabac » ou encore « Incitation au tabagisme » ou « Ils ne veulent pas que les gens se soignent, ça leur rapporte de faire fumer ». Le CHR, lui, n'a pas ri du tout en lisant des critiques sur Facebook et a rappelé qu'il était membre du réseau européen des hôpitaux sans tabac et que des groupes de sevrage étaient mis en place. L'hôpital assure que les fumeurs ne respectaient pas les zones non-fumeurs et que ce fumoir a donc le grand avantage de les canaliser à un endroit tout en les protégeant des intempéries. Question pour vous ce matin. Un fumoir installé juste devant l'entrée de l'hôpital de la Citadelle à Liège fait polémique. Un fumoir devant un hôpital, ça incite à fumer, faut le retirer. Zoé Boss, standard ouvert. Et toujours au poste, Marion Jomotte décroche vos appels au 0 70 233 466 et Livo SMS au 3063 50 ce par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites. Un anonyme wallon au chômage depuis 42 ans, un attentat déjoué et un fumoir devant un hôpital. Le débat, c'est vous qui le faites. Ce matin, Nawal Ben Salem, journaliste pour La Dernière Heure, et Karim Fadoul, journaliste à la RTBF, sont dans le studio pour débattre avec vous de l'actualité. Nawal et Karim, bonjour. Bonjour. Un chômeur, homme ou femme, on ne le sait pas, est donc au chômage depuis plus de 42 ans. prononcez-vous et puis on discute. Nawal, vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez, un des trois? Je le plains. Elle le plaint, Karim? Mais il n'y a pas à l'envier ou à le détester. C'est-à-dire dans le choix. C'est-à-dire qu'on, enfin, il faut quand même aller un peu plus loin dans la présentation de ce personnage qui, à mon avis, doit être dans une autre situation que celle que vous décrivez sur cette photo. Ah, il y a une photo dans mon dos si vous nous regardez qui est très caricaturale. Sur la une télé, il y a une illustration que vous voyez pas à la radio en ce moment. Si ça se trouve, il passe pas ses journées devant la télévision. Il passe peut-être ses journées à rechercher activement de l'emploi. 42 ans sans trouver. C'est possible. C'est possible. La preuve, c'est que ça existe. En tous les cas, les chômeurs de longue durée existent, en tous les cas, qui totalisent plus de 20 ans de chômage. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'effectivement, on cible ce Wallon parce que, à mon avis, il présente un record assez particulier. Mais on ne nous dit pas, étant donné que la matière est régionalisée, je veux dire, en termes de gestion du chômage, on ne nous dit pas quelle est la situation en Flandre. On nous parle des chômeurs de longue durée en Flandre. On sait qu'ils sont nombreux. Plus de la moitié des chômeurs en Wallonie, de 20 ans se trouve en mais Wallonie. Je suis curieux de savoir combien y en a-t-il qui totalisent aussi autant d'années de chômage. Je reviens à ce profil-là. En Wallonie, un chômeur depuis plus de 42 ans, comment c'est possible, Nawal? Mais c'est justement ça la question. Donc l'envier, non, parce que je ne voudrais pas être à sa place. Le détester, non plus, parce que quelque part, ce n'est pas uniquement lui le seul responsable. S'il est au chômage depuis 42 ans, c'est que, me semble-t-il, il n'y a pas eu assez de contrôle derrière. Qu'on me dise qu'il cherchait du boulot pendant 42 ans, non, je n'y crois évidemment pas. Donc c'est l'échec du système, c'est pas un échec personnel. Tout à fait, c'est l'échec du système, puisque cette personne est capable d'être là sans qu'à un moment on l'exclue. Donc soit il a joué en travaillant 3 mois et puis en revenant. Enfin, il y a eu en tout cas un échec et pour moi, ce n'est pas uniquement lui le responsable. Est-ce qu'il y a quelque chose de très noble là-dedans, Karim? On ne l'a pas exclu. On ne l'a pas exclu. Il est toujours dans ce système de protection. Mais je suis, qu'est le chômage. Je suis pas convaincu qu'il ait pu à un moment donné passer entre les mailles du filet. Je ne pense pas qu'à un moment donné, il y ait un fonctionnaire au sein de l'administration qui puisse dire voilà, ce gars totalise 42 ans et c'est pas grave. On va pas regarder sa situation après 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35, 40 ans, 42 ans. Non, je pense à mon avis que la faillite, elle est plutôt dans l'accompagnement. D'une manière générale, au niveau du forum, à un moment donné, on ne s'est pas soucié de cette situation-là et de la situation de l'ensemble des chômeurs de longue durée. À un moment donné, cette faillite, elle est là. C'est au niveau de l'accompagnement, pas tant du contrôle, mais de l'accompagnement. C'est qu'à un moment donné, on n'a rien fait pour aider ces personnes à trouver un emploi stable. Le compteur d'un demandeur d'emploi n'est remis à zéro que s'il retrouve un travail pendant au moins 3 mois. Ce qui veut dire que ce monsieur ou cette dame a peut-être travaillé à chaque fois moins de 3 mois. On peut faire une vie comme ça d'intérim très très court, Nawal, vous pensez que c'est crédible ça? Mais un mois par-ci, un mois par-là, un mois par-ci, un mois par-là. Mais hélas, il faut reconnaître qu'il y a une minorité, certes, mais il y en a une de personnes qui se plaisent au chômage. Peut-être que ce monsieur en fait partie, peut-être pas, mais donc il y a des personnes qui, voilà, vont travailler pendant 1 mois et puis s'arrêter et puis ne plus travailler pendant 5 ans jusqu'au prochain contrôle. Ça existe. Ça n'existe pas. Ce n'est pas la responsabilité de ces personnes-là. C'est au système à mettre en place, comme le dit Karim, un accompagnement adéquat et à sévir si nécessaire. On va demander un avis à Bercel. Qui est beaucoup plus efficace en Flandre d'ailleurs. Nous sommes en Flandre d'ailleurs, à Bercel. Patrick, bonjour. Bonjour Benjamin. D'après les statistiques, un Wallon est au chômage depuis plus de 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez? Moi je le plains, hein. Moi je le plains franchement, mais naturellement, comme on l'a dit juste précédemment, c'est un problème de système et de mentalité. Si le forum là-bas, ou bien n'importe ceux qui s'occupent en fait de placer les gens, que ce soit à intérim ou dans n'importe quelle condition, il y a toujours moyen de donner du travail à quelqu'un. Mais donc vous ne retenez aucune faute individuelle? Dans notre pays, bon, moi qui ai quand même fait une carrière de 46 ans, hein, dans mon métier d'électricien, le grand problème qu'il y a, c'est que les gens n'acceptent pas n'importe quel travail. Patrick, est-ce que ce monsieur peut, ou cette dame peut avoir une responsabilité individuelle, ou ce n'est que l'échec du système? Moi, je trouve que c'est le système, hein. C'est pas nouveau. Et donc, lui, il n'est responsable de rien? Non, il n'est pas responsable de rien, parce qu'il veut quand même bouger ses fesses, il veut quand même bouger de la localité où là où on habite. Hein. Parce que bouger, aller simplement dans sa localité, ça ne suffit pas. Parfois, il faut faire des kilomètres pour trouver du travail dans le temps, c'est bien comme ça. Hein. Mais qu'est-ce qu'il demande, le forum? Dans les contrôles, le forum, il demande la preuve qu'on cherche. Ce monsieur ou cette dame a peut-être cherché 42 ans. Ça, c'est faux. C'est faux. Combien de personnes ne sont pas venues chez moi dans ma carrière, enfin, je ne vais pas tout expliquer, pour avoir des documents, pour avoir la preuve que, soi-disant, ils avaient cherché. Je leur fournissais un document, hein, d'une entreprise, ben, c'est pas pour ça qu'ils étaient venus chez moi pour se présenter, pour travailler. Hein. Tout ça, c'est du bidon. Patrick, quand on a été au chômage 42 ans, je fais tour de table là-dessus, est-ce qu'on a encore une chance de travailler ou pas? On sait toujours travailler, il n'y a pas d'âge pour ça. On sait toujours travailler, me dites-vous. Autour de la table, Nawal et Karim. Nawal, 42 ans, il a une chance de retravailler un jour, ce monsieur ou cette madame ? Faut-il encore qu'il en ait envie, hein ? C'est ça le problème. À mon avis, s'il n'en a pas envie, ça va être difficile de travailler. Hein ? Même si on lui trouve quelque chose, comment voulez-vous qu'il tienne à long terme ? 42 ans, ça vaut encore la peine. Il est presque à une carrière complète, parce qu'on cotise pour la pension en étant au chômage. Carrière complète de chômeur. Mais, oui, ça cotise pour la retraite. C'est compliqué, il n'y a pas d'âge pour travailler. Mais effectivement, à cet âge-là, c'est un peu compliqué. Mais d'une manière générale, je pense qu'on ne peut pas se réjouir de cette situation à partir du moment où on a aussi des personnes avec le nouveau système en matière de chômage, avec ces personnes qui sont déjà exclues du chômage, ces personnes qui sont peut-être bientôt exclues du chômage, la dégressivité des allocations de chômage. On ne peut pas se réjouir de ce type de situation. D'après les statistiques officielles, un Wallon est au chômage depuis plus de 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez, c'est à vous de vous prononcer. Dans un instant, deuxième débat sur la table. Attentat, ça recommence. Est-ce qu'il faut éviter Bruxelles ? La place Rogier était visée samedi. Un fumoir installé juste devant l'entrée de l'hôpital de la Citadelle à Liège. Ça incite à fumer. Et puis 10h45, la question qui dérange. Demain, on pourra tous devenir livreurs de colis à la place de la Poste grâce à la plateforme Bringer. Est-ce qu'en lançant cette plateforme, Bipost se tire une balle dans le pied et tue ses propres facteurs ? C'est vous qui le dites. Vous donne la parole en direct au 070 233 466 par SMS 3063, 50 centimes par message. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Pour le coup d'envoi de la saison, nous avons choisi une région d'exception. Nous ferons le plein de vitamines à la Calamine, près des frontières allemandes et hollandaises. Rendez-vous dès 10h pour le brunch, suivi d'une balade de 31 km vers Raven. À l'arrivée, showcase de Marina Kay, Axel Red et Frédéric François. À samedi les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. On n'est pas des pigeons. Vous non plus ? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commente l'actu avec vous. En fonction de vos appels, un débat s'impose avec Karim Fadoul, journaliste RTBF, avec Nawal Ben Salem, La Dernière Heure, les sports. Attentat, ça recommence. C'est le deuxième débat sur la table. On dit que l'écran géant de la place Rogier était visé. Ce matin, des entrées de métro sont fermées. Hier, il y a eu de multiples alertes un petit peu partout. Honnêtement, est-ce qu'il faut éviter Bruxelles ? D'abord, votre sentiment, Nawal, est-ce que ça fait froid dans le dos ? Une fan zone dans le cœur de Bruxelles, place Rogier, on n'est pas loin de la place de Brouckère. Eh bien, c'est cette fan zone qui était visée et qui allait être cible d'attentats samedi. Est-ce que ça vous a fait froid dans le dos, ça ? Ben, forcément que ça fait froid dans le dos. Maintenant, est-ce qu'il faut s'arrêter de vivre ? Je dirais non, puisque par définition, je pense, les terroristes agissent au moment où on est le plus surpris. Donc, s'arrêter d'aller aux fan zones, risque sur les gares, s'arrêter de prendre le train. Moi, je dis non, parce que de toute façon, si ça doit péter quelque part, ça pètera là où on s'y attend le moins. Donc, mais la question n'est pas faut-il éviter les gares, la question est faut-il éviter Bruxelles ? En ce moment, faut-il éviter Bruxelles ? Ben, je dirais non, parce que vous savez, Bruxelles aujourd'hui, demain, ça peut être en Wallonie. Donc à ce moment-là, non, moi je crois qu'il faut continuer, voilà, à vivre. Que voulez-vous faire ? Donc je refais le topo à Bruxelles, Karim. On nous dit donc que des gens étaient prêts à faire quelque chose, des écoutes téléphoniques l'ont prouvé, à tel point qu'on va perquisitionner 152 box de garage. Il y a un volume à la recherche d'armes qu'on n'a pas trouvé. Est-ce qu'on évite Bruxelles ? Mais est-ce qu'on évite Bruxelles ? Vous savez, Paris, c'est bien plus de touristes, c'est une activité économique bien plus importante que celle de Bruxelles. Et pourtant, les gens continuent à vivre à Paris, les gens continuent de visiter Paris. Et je rappelle quand même qu'il y a un euro de football à Paris et que les stades sont pleins. Enfin, voilà. Pour bien dire que les gens continuent de vivre. À Bruxelles, bien évidemment, il faut continuer de vivre. D'ailleurs, on a vu qu'après le 22 mars, il y a une légère reprise qui commence à s'amorcer. Alors effectivement, la menace est toujours là, est toujours présente, et il faudra vivre avec et s'habituer à cela, ce qui veut dire que les gens vont... Il y a des entrées de métro fermées ce matin. Mais les entrées de métro... alors ça, c'est un peu ce qui c'est un peu ce qui est surprenant d'ailleurs, hein, depuis le 13 novembre, le lockdown, les attentats de Bruxelles, c'est qu'à un moment donné, on a des décisions qui sont prises, on a un niveau de menace qui est là, mais qui en fonction de... Enfin, je veux dire, les mesures ne sont pas, à mon sens, en adéquation avec la menace, la menace réelle. Le métro fermé ce matin, ça veut rien dire. Surtout que ce ne sont que quelques stations, alors qu'après le 22 mars, on a fermé toutes les stations. Souvenez-vous du lockdown, on a même fermé les écoles. Enfin, c'est un peu particulier. Je peux comprendre, si on se met à la place du citoyen lambda, qu'à un moment donné, il n'y comprend pas grand-chose à cette menace. Est-ce qu'elle est réelle ou pas? On a du mal un peu à y voir clair. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, alors, Nawal? Ce matin, des portes de métro fermées et la fameuse fan zone, les grandes foot place Roger, il est fermé au moins jusqu'à demain. Voilà deux preuves qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'estime que c'est complètement inutile de réagir de la sorte. On ferme certaines stations, on n'en ferme pas d'autres. Encore une fois, on réagit, on n'agit pas. Donc... à quoi ça va servir, j'ai envie de dire, de fermer une ou l'autre station? À quoi ça va servir de mettre un agent de sécurité devant une station? Si ça doit arriver, je pense que ça arrivera et que ce n'est... Ou alors on ferme tout. Il y avait bien des militaires à Zaventem. Oui, il y avait des militaires à Zaventem, exactement. Ou alors on ferme tout et de toute façon, ça ne servira pas à grand-chose non plus. Ou quelques stations comme ça et dans deux semaines, on va changer, on va fermer d'autres stations. C'est ridicule. On demande un avis à Anderlecht. Alors, Annie en ligne, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Attentat, ça recommence. On dit que l'écran géant de la place Roger était visé. Des entrées de métro ce matin sont fermées. Honnêtement, est-ce qu'on doit éviter Bruxelles, Annie? Non, pas du tout. Absolument pas. Et on doit faire revivre Bruxelles. J'ai été justement samedi avec des amis parisiens qui sont venus nous dire un tout petit coucou. Nous avons même été à City 2. Nous n'avons pas été sur la place Roger parce que, de toute façon, attentat ou pas attentat, nous n'aurions pas été. Non, mais vous étiez juste en face. Oui. Oui, ça ne me fait pas peur. La semaine dernière, Annie, la semaine dernière est donc sortie cette note qui nous disait que des combattants venaient de Syrie jusqu'ici, qu'ils avaient trois cibles. Un centre commercial, tout le monde a dit que c'était City 2, un fast-food américain et un commissariat. Est-ce que vous aviez ça en tête? Oui. Ah, vous l'aviez en tête? Oui, je l'avais en tête, on l'avait entendu à la radio. Mais je me dis que si on doit toujours arrêter de vivre, arrêter d'aller à Bruxelles, ça va être catastrophique. Comme a dit votre interlocutrice, on ne sait rien faire. Si un jour ça doit arriver, ça doit arriver. C'est comme la même chose. Quand on traverse une rue, on peut se faire renverser par une voiture, on peut avoir un accident dans un bus, on peut avoir un avion qui s'éclate. Bien sûr, il faut faire attention. Vous pensez que quelqu'un osera encore aller à cet écran géant de la place Roger, qui était donc ciblé samedi et puis qui maintenant est fermé? Vous pensez que quelqu'un osera encore aller voir le football là-bas? Mais moi, je me dis que maintenant, ça va être le lieu le plus sécurisé. Puisqu'il était visé, il va avoir des contrôles, il va avoir de la police, etc. Ah ben samedi, il était très sécurisé et il n'y avait personne. Hein. Il y avait un policier pour deux supporters. Bien sûr, mais je m'excuse de le dire, mais les médias, ils font leur travail, bien sûr. Mais ils font peur aux gens. Avec nos amis, nous avons été manger au restaurant, nous avons été à la City 2 parce qu'ils voulaient faire du shopping. Mais Bruxelles est mort. La grande place de Bruxelles, à 10h du soir, il n'y avait personne. Annie, une dernière chose, la police, en perquisitionnant ces 152 box de garage, n'a pas retrouvé d'armes. Vous êtes dans quel camp? Vous êtes de celles qui disent c'est qu'il n'y en avait pas, ou vous êtes de celles qui disent c'est qu'elles sont quelque part? Elles sont quelque part. Elles sont quelque part. On fait tour de table là-dessus alors. Annie, vous êtes en Anderlecht, peut-être à tout à l'heure. Karim, vous êtes de ceux qui disent il n'y en avait pas, ou de ceux qui disent elles sont quelque part? Moi, je suis de ceux qui disent que la police, semble-t-il, travaille, elle ratisse très large. J'ai vu 152 box, une quarantaine d'arrestations, mais que trois inculpations. Donc, quelque part, on a passé tout le bazar au tamis, et puis on a gardé, je dirais, la crème de la crème sans mauvais. Donc, tout ça pour ça, vous voulez dire? Je ne dis pas tout ça pour ça, je dis simplement qu'on travaille. Alors, c'est le résultat de quoi? On parle d'écoute téléphonique, c'est peut-être aussi le résultat d'interrogatoire. N'oublions pas quand même qu'on a trois personnages clés: Krayem, Abrini, Salah Abdeslam. Il y a des informations qui sortent peut-être et qui permettent de mettre au jour une série de complots terroristes. Nawal, elles sont quelque part ou il n'y en avait pas? Elles sont inévitablement quelque part et elles ne sont pas les seules. Il y a évidemment d'autres armes encore cachées. Malheureusement, voilà, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Bien sûr qu'elles sont quelque part. Ces hommes-là, s'ils avaient l'intention d'agir, n'allaient pas agir sans armes ou sans explosifs. Donc oui, elles sont quelque part. Est-ce que vous avez vu dans les événements du week-end, et puis on en reste là, la volonté d'absolument faire quelque chose dans ce mois de juin? C'est ça qu'il faut comprendre? Ben, visiblement, c'est ce que nos autorités, en tout cas, semblent dire. Et ils étaient convaincus qu'il y avait quelque chose à faire ce mois de juin. Sinon, ils n'auraient pas réagi comme ça, en pleine précipitation, en pleine nuit, de manière précipitée. Il y a quelque chose dans ce mois de juin, Karim ? Je sais pas. En tous les cas, il y a eu des éléments qui ont poussé les policiers à agir rapidement, comme on vient de le dire. Donc, il y a des indices. Alors, ça peut être juin, ça sera peut-être juillet, août, etc. Comme je dis, la menace, elle est là. Il faut vivre avec et le travail policier doit continuer, se poursuivre et être renforcé. Attentat, ça recommence. On dit que les grands gens de la place Rogier étaient visés, des entrées de métro sont fermées. Honnêtement, faut-il éviter Bruxelles ? Dans un instant, troisième débat sur la table. Un fumoir installé juste devant l'entrée de l'hôpital de la Citadelle à Liège fait polémique. C'est un site à fumer ? Faut le retirer ? Et puis la question qui dérange. Demain, on pourra tous devenir livreurs de colis à la place de la Poste grâce à la plateforme Bringer. C'est un genre d'Uber du colis. Question qui dérange, est-ce que Bpost se tire une balle dans le pied en faisant ça ? Est-ce qu'elle tue ses propres facteurs en faisant ça ? Quelle menace ? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce lundi, Slovaquie, Angleterre et Russie, Pays de Galles. Les deux derniers matchs du groupe B, but après but, avec la rédaction des sports. Et dès 20h en direct de Nice avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme et des congrès de Nice. Ce lundi 20 juin, c'est la journée du personnel d'entretien. Pour Lila, Violette, mais aussi Paulette ou Antoinette. Pour tous ceux qui rendent notre quotidien plus net. Faites comme moi, dans ces fleurs. Ce lundi 20 juin, offrez des fleurs. C'est du bonheur. Avec le soutien de la PACW. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez ce 26 juin l'étape de la Calamine comme si vous y aviez participé. Avec des milliers de beaux héros escortés par David Jeanmotte et les supporters des Diables Rouges dans la communauté germanophone de notre royaume. Tchuss et tous ensemble ce dimanche après le JT de 13h sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon, allez go, on prend celle-ci. Ah, très bon choix, monsieur. Quoi, t'es sûr ? Mais il n'y a même pas l'air con, on va crever de chaud. Mais non, attends. On la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo, là, sur votre bureau, ok ? Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 30 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Vivacité présente le jogging 10 km des grottes organisé par l'association Justine for Kids. Trois distances cette année, 5, 10 et en trail de 20 km. Le 26 juin à Ans-sur-Lesse, découvrez avec Justine Hénin ses parcours uniques avec le dernier kilomètre dans les grottes. Venez en famille, il y a de nombreuses animations pour enfants. Info sur 10km-des-grottes.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table, on commente l'actualité avec Karim, journaliste RTBF, avec Nawal, la dernière heure. Et cette polémique devant l'hôpital de la Citadelle à Liège, puisqu'on vient de déplacer le fumoir. Et il y a donc désormais devant l'entrée de l'hôpital un fumoir qui ressemble à un abribus. C'est là que les fumeurs se placent. La polémique a été intense, à tel point que la Meuse relaie tous les commentaires désobligeants via la direction de l'hôpital ce week-end. Un abri pour fumeurs, financé par les professionnels du tabac, incitation au tabagisme, ou encore ils ne veulent pas que les gens se soignent. Ça leur rapporte de faire fumer. D'abord sur la localisation, Karim, mettre ce fumoir juste devant l'entrée, est-ce que c'est un mauvais signal ? La question n'est pas de savoir si c'est un mauvais signal. Enfin, si vous vous baladez devant des hôpitaux, vous constaterez que devant chaque hôpital, il y a des fumeurs qui fument. Je veux dire, c'est une évidence, c'est une réalité. Saint-Luc, Erasme, Saint-Jean, Clinique de l'Europe, vous passez, je parle pour Bruxelles, vous passez devant, vous voyez des fumeurs qui sont là, nombreux, et pas que des visiteurs. Des patients aussi, avec leurs perfusions qui sont là en train de fumer. Que voulez-vous faire quand vous gérez cet hôpital ? C'est-à-dire, vous souhaitez les canaliser pour éviter de 1, qu'il y a un attroupement devant votre hôpital, ça fait parfois un peu mauvais genre. Puis surtout quand vous traversez, vous êtes malade et vous traversez comme ça un nuage de fumée toxique, c'est pas très agréable. Vous les canalisez et puis voilà. Enfin, je veux dire, ça me semble partir d'une réflexion de bon sens. Sauf que la polémique dit ok, ce fumoir répond peut-être à une demande, mais on est devant un hôpital, un lieu de santé, Nawal. Mais et alors, comme dit Karim, ce serait hypocrite que de faire croire qu'on ne sait pas que les patients fument. Pour la plupart d'ailleurs, c'est un petit peu le seul geste qui leur reste, hein, même ceux qui ont le cancer des poumons, voilà, continuent à fumer. Moi je trouve que c'est une très bonne chose justement de mettre un abri pour ces fumeurs, parce que ça évite, comme le dit Karim, un attroupement devant l'hôpital. De toute façon, les fumeurs, on ne les supprimera pas du jour au lendemain, donc autant leur donner cet abri. Ils sont malades, ça les protège de la pluie, ça évite peut-être d'autres maladies. Je ne vois pas où est le mal. Alors il y a des fumeurs protégés, l'autre argument de l'hôpital qui a répondu à la polémique, c'est, et en plus, en les canalisant à un endroit, on protège les non-fumeurs. Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Ça colle. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais ça colle. Bah oui, ça, bien évidemment que ça colle. Alors peut-être qu'il faudra, je ne sais pas si, excusez-moi de parler encore par rapport à la télé, mais je ne sais pas si c'est cet abribus-là qui est devant l'hôpital de la Citadelle. Malheureusement, c'est pas le bon abribus. C'est pas le bon abribus. C'est pas la bonne photo. D'après les photos qu'on a pu voir dans la Meuse, je ne sais pas si on voit. Il y a des indications, des panneaux, des messages, des messages pour sensibiliser les gens au danger du tabac, pour leur indiquer peut-être un numéro de téléphone ou un service qui peut les prendre en charge pour les soigner. Est-ce que ce serait encore plus hypocrite, Nawal, dans le fumoir, de mettre un stop tabac, appeler tel numéro ? Oui, quelque part, oui. En même temps, bon, ça pourrait justement... Ça ne va pas les empêcher de fumer, mais en tous les cas, ça pourrait à tout le moins leur donner une information, comme les informations qu'on a sur les paquets de cigarettes, fumez-tu, voilà, oui, pour les sensibiliser. Pourquoi pas, à la limite. Oui, c'est vrai que ce serait pas mal. Un avis à Morlanway. Ouais. Quel autre gérant, Lynn, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Un fumoir installé juste devant l'entrée de l'hôpital de la Citadelle à Liège fait polémique. Fumoir devant hôpital, ça incite à fumer ou pas? Écoutez, pour moi, ce fumoir-là ne doit pas exister. Je dis que s'il est à l'intérieur de l'enceinte d'un hôpital, il ne doit pas exister. Il est à l'extérieur, juste devant l'entrée. C'est comme une aubaine de bus. Même à l'extérieur, ce n'est pas possible. On va là, c'est pour rendre visite à des malades. On est malade. Dans tous les hôpitaux maintenant, devant, comme le monsieur disait, devant les portes d'entrée, il y a des fumeurs, il y a des malades qui sortent avec leur baccère, qui fument et tout. Moi, je dis que si on va se faire soigner à l'hôpital, une interdiction de fumer complètement. Il faut les mettre en garde. Ils viennent se faire soigner et ils vont fumer. Ça ne va pas. Même dehors, donc l'interdiction de fumer dans le bâtiment, évidemment, mais même dehors. Moi, je suis ici dans la région de Morlanway. Je vais vers l'hôpital de Jolimont. À l'entrée principale de l'hôpital, il n'y a pas de fumoir. Hein, devant l'entrée de l'hôpital principal, pour rentrer dans l'hôpital, on doit se frayer un chemin. Ce n'est pas possible. Non, là, la direction doit prendre... Voilà. Vous venez pour vous soigner, vous ne devez pas fumer. Mais d'où l'intérêt de les canaliser? D'où l'intérêt de les canaliser, Calogero? Ils sont tous regroupés sous l'abri. Non, mais ça ne va pas. Non, mais alors il faut faire comme monsieur et madame disaient, mettre des affiches en disant, voilà qu'est-ce que le fumer provoque, le cancer, mettre des photos comme dans les paquets de cigarettes et tout ça. Mais il faut essayer de plus avoir ces fumoirs. Mais vous voulez supprimer les fumeurs devant l'hôpital, pour eux ou pour vous? Mais pour eux et pour nous. Moi, j'ai mon frère qui est décédé de la cigarette à l'hôpital de Jolimont. J'avais beau sortir quand je sortais de l'hôpital, leur expliquer que la cigarette était mauvaise. Mon frère venait de mourir. Mais ils s'en foutaient, quoi. Ils continuaient à fumer et tout ça. Donc, je retiens le portrait hospitalier. Alors, celui de Jolimont laisse les fumeurs ça et là devant l'entrée. Calogero, je termine autour de la table avec Nawal et Karim, très rapidement. Karim, est-ce qu'on devrait maintenant repenser la chose et donc interdire de fumer partout dans le périmètre autour de l'hôpital tout le monde? C'est compliqué. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas mettre en place cette interdiction. C'est au-delà de la législation, mais on pourrait. Bien évidemment, c'est une atteinte à la liberté. Enfin, moi, personnellement, je suis un anti-tabac convaincu, mais à un moment donné, il faut quand même faire preuve de bon sens et d'esprit logique. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de fumer à l'extérieur, même si ça dérange les non-fumeurs. Et ici, ça a le mérite comme le dit l'hôpital lui-même, qui a quand même réfléchi à cette question, qui connaît quand même un petit peu les dangers du tabac, ça mérite de canaliser ces fumeurs. Voilà, Nawal, dans tout le périmètre, pensons la sécurité de chacun demain. Dans tout le périmètre, pas de fumeurs. Totalement contre, évidemment. Pourquoi ? Parce que d'abord, déjà, les patients font encore ce qu'ils veulent. Mais il n'y a pas que les patients, surtout. Il y a aussi les proches des malades. Il y a des enfants malades dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont désespérés, qui, dans ce petit geste, trouvent un petit peu de quiétude. 5 minutes vont, voilà, prendre cette petite bouffée d'air. Ont besoin de se calmer avec ça. Chacun a son petit calmant. Et donc, ça permet à ces gens-là aussi de revenir un petit peu plus zen dans l'hôpital. Donc, absolument contre le fait d'interdire partout aux alentours des hôpitaux. Non. Dernière chose, vous situez. Vous êtes fumeuse, Nawal ? Répondre. Voilà. Karim, vous êtes fumeur ? Non. Ok, il a répondu. Nawal Ben Salem, Karim Fadoul, bonne journée, messieurs, dames. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. D'après les statistiques officielles, un Wallon est au chômage depuis plus de 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez. Attentat, ça recommence. On dit que l'écran géant de la place Rogier était visé. Des entrées de métro sont fermées. Honnêtement, faut-il éviter Bruxelles ? Et puis un fumoir installé juste devant l'entrée de l'hôpital de la Citadelle à Liège fait polémique. Un fumoir devant un hôpital, ça incite à fumer. Faut le retirer. 070 233 466 et par SMS au 3063. Chimette en ligne. Xavier, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. En Wallonie, un homme ou une femme est au chômage depuis plus de 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez ? Aucun des trois, honnêtement. Alors, expliquez-moi pourquoi on peut être au chômage 42 ans. Ah, ça, j'aimerais bien que le système me l'explique. Ça, c'est pas normal. Le fait qu'il puisse depuis 42 ans, honnêtement, il n'a pas fait que chercher. C'est pas possible, on le sait tous, on va pas être hypocrite. C'est qu'il a profité du système. C'est que le système lui a permis d'en profiter. Donc voilà, ça c'est dommage. Maintenant, moi je voulais revenir sur un aspect... Juste une chose, Xavier, vous me dites qu'il n'a pas fait que chercher. Or, dans les interviews et dans les analyses forums, on acte de manière très franche qu'il y a une catégorie de gens en Wallonie qui, par le niveau d'éducation, qui par le niveau social, n'arrive pas à faire match avec un employeur. Il y a des gens qui ne trouvent pas, ça c'est une réalité. Non, ça c'est faux. Il y a du boulot pour tout le monde, je dis, il n'y en a pas pour tout le monde, mais en 42 ans, on cherche. Maintenant, bon, on ne va pas être hypocrite non plus, j'ai mon frère qui travaille dans une grande société, les patrons signent des papiers faisant foi que les chercheurs d'emploi sont bien passés chez eux, ont bien cherché. En fait, c'est même plus un entretien. Le gars vient, on lui signe son papier, voilà, il est tranquille, mais il n'a rien cherché du tout. Bon, et avec ça, on peut encore passer à travers les mailles du filet. Bien sûr. Oui, écoutez, je suis enseignant, j'ai 270 élèves, donc vous comptez le nombre de parents. J'ai pas mal de chômeurs dans les parents, et il y en a que ça attriste vraiment, et qu'on voit qu'ils cherchent, et qu'ils trouvent, et puis qu'ils perdent, qu'ils trouvent. Ok, ça c'est bien, c'est normal, on voit qu'ils cherchent. Et puis j'en ai, mais qu'ils ne cherchent absolument pas, j'en ai qui sont depuis 20 ans, et je sais qu'ils ne cherchent pas. Est-ce qu'il faut les plaindre ? Est-ce que ce monsieur ou cette dame est à plaindre, 42 ans sans un travail ? Non, je ne le plains pas. Il a partiellement fait ce choix, j'en suis persuadé. Ce qui me chagrine plus, ce qui est vraiment interpellant, j'espère qu'il n'a pas d'enfant. C'est un choix conscient pour vous. Je ne dis pas que c'est un choix conscient au départ, mais je suis sûr que c'est une facilité dans laquelle on tombe. Dans laquelle on tombe avec quelque chose de l'ordre du choix. Je vais noter ces mots et facilité dans lesquelles on tombe. Ce sera peut-être un prémisse à la conversation de tout à l'heure si le débat s'impose. Merci Xavier, vous êtes à Chimay ce matin. RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Soyez vigilants, en province de Liège, on nous signale un objet encombrant. Il s'agit d'une petite poutre de bois. Elle est sur l'A602 entre Chesnay et Loncin. Elle obstrue deux bandes de circulation à hauteur de la sortie Grosse Batte. Et pour rejoindre Bruxelles, vous perdez encore 15 minutes sur le 411 qui vient de Namur entre Overijse et Léonard. 15 minutes également à ajouter sur le 40 qui vient de Gand. Vous êtes ralenti un petit peu avant de rejoindre Grand Bigard. Sur le ring, une perte d'huile sur le ring en circulation intérieure à hauteur d'Anderlecht. La bretelle de sortie numéro 15A ULB Erasme est fermé, ce qui entraîne évidemment de gros embarras de circulation sur les axes avoisinants en direction de Grand Bigard. Et les temps de parcours sont toujours conséquents sur ce ring en circulation intérieure en raison de ce chantier à Anderlecht. Entre Ytre et Grand Bigard, il faut ajouter 45 minutes supplémentaires. Pour ce qui est de Grand Bigard Zaventem, c'est 25 minutes supplémentaires. Pour la circulation extérieure, ça coince toujours entre Zaventem et Grand Bigard, 48 minutes en plus, 47 minutes entre Autitre et le Carrefour Léonard. Et puis je vous rappelle un accident sur la Nationale 6 Mons, Bruxelles, à hauteur de Nimy. La bande de droite est neutralisée, il y a des fils en direction de Bruxelles. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, nous allons à Ivoire et Alain nous dira si c'est malin de mettre un fumoir devant l'entrée d'un hôpital, celui de la Citadelle à Liège en l'occurrence. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité à Liège, en toute complicité, sur 90.5 FM. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise est toujours embêtant. Heureusement, Carglass est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Carglass est toujours prêt à vous aider, aussi vite que possible. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone. Bonjour, pompe 8 s'il vous plaît. Ok, ça nous fait un casque, une veste de cycliste et aussi un vélo trek. Waouh, c'est génial! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station Esso ou Esso Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur esso.be/fr/cycling, soumis à condition. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Le soir présente les nouvelles bilingues. Edgar Allan Poe, Dickens, Virginia Woolf. 30 livres CD pour réveiller votre anglais avec une sélection de nouvelles en version originale, leur traduction française et un CD pour travailler votre accent. Dès ce vendredi 17 juin, Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville, 1 euro seulement. Les numéros suivants chaque samedi avec Le Soir. Vivacité, la 1 et la 2 présentent les Total 24 Hours of Spa. Du 26 au 31 juillet, la plus grande course GT au monde sur le plus beau circuit du monde. Des marques de prestige, un plateau de rêve, animation pour grands et petits. Concert du samedi soir. Info et tickets 24hoursofspa.com. Camille, vous cherchez quelque chose? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, hop, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, attentat, ça recommence. On dit que les grands géants de la place Roger étaient visés. Des entrées de métro ce matin sont fermées, honnêtement. Faut-il éviter Bruxelles à ce propos? Et à ce propos, j'ai eu Paulette de Ciné. Elle est certaine qu'il faut éviter Bruxelles, surtout pendant l'euro. Tout le monde sait pertinemment que les terroristes attendent un attroupement pour pouvoir opérer un écran géant sur une place avec des centaines de personnes absorbées par un match. C'est du pain béni pour tous ces fanatiques. Alors oui, Paulette nous recommande d'éviter la foule, d'éviter les grosses villes, les centres commerciaux. Et commerciaux un peu trop grands. Bref, d'éviter Bruxelles. C'est une question de temps. Dans 6 mois, la situation sera déjà différente et le Belge pourra retourner se balader plus tranquillement, nous dit Paulette. Ivoire en ligne. Alain, bonjour. Oui, bonjour. C'est la polémique devant l'hôpital de la Citadelle à Liège. On a installé un fumoir juste devant. Sur le principe, est-ce qu'un fumoir devant un hôpital, ça a du sens? Oui, bien sûr, parce que bon, ben, si on va à la clinique et là, dans une heure, j'y serai, on a toujours un énorme stress. Maintenant, ben, moi, je vous téléphonais pour vous dire aussi, dans les hôpitaux, il y a des buvettes où on vend de l'alcool. Alors, ben, Alain, vous allez à quelle clinique? À Montgodine. Et là, on fume sur le trottoir devant ou il y a un fumoir aussi? Ça dépend, parce qu'il y a plusieurs entrées à la clinique. Il y a certaines cliniques, il y a certaines portes où il y a un fumoir pas tellement loin. Et devant une des portes, il n'y a pas de fumoir, mais il y a plein de personnes qui fument devant. Des personnes qui viennent forcément aux visites, ou bien, voilà. Donc, Est-ce que c'est une bonne chose de canaliser tous les fumeurs au même endroit? Donc là-dedans, il y a aussi des malades. Est-ce que c'est une bonne chose de les concentrer dans un petit lieu rempli de fumée, ou il vaudrait encore mieux les espacer, chacun va fumer où il veut? Mais les fumoirs, en général, sont à l'extérieur, donc on n'est pas forcément dans la fumée. Comme on pouvait l'être à certains endroits. Moi, je disais donc à la personne qui joue au téléphone, j'ai eu un snack au moment où on a eu l'interdiction de fumer dans tout ce qui était restaurant. Ça nous a fait, aux personnes ayant des restaurants et tout, perdre un énorme chiffre d'affaires. On prend plutôt un petit peu les fumeurs, là, pour l'instant, ben, ça, les taxes et tout, ça nous... Oh, mais attendez, là, on est dans un cadre particulier, on est dans un cadre de soins. Oui, c'est cette image du patient avec un Baxter qui vient fumer sa cigarette. Est-ce que c'est raisonnable? Oui, oui, mais voilà, moi, je vais à la clinique pour passer des examens, et ce ne sont pas des examens dus à la cigarette. On peut être malade à cause de la cigarette, on peut être malade à cause de l'alcool. Je connais une personne actuellement qui n'a jamais fumé, qui a quand même eu un cancer de la gorge. Donc, c'est pas déraisonnable d'être malade à l'hôpital et de fumer. Mais non, parce que bon, mais pour certaines personnes, ça fait du bien quand vous venez d'apprendre certaines choses. Voilà, moi j'ai une maladie du sommeil. Ça n'a rien du tout à voir avec la cigarette. Mais j'ai noté le facteur déclenchant. On m'a dit en début de conversation que c'était le stress. On va à l'hôpital, on est stressé. Le fumoir a donc toute son importance pour déstresser. Ça, c'est un argument qu'on peut peut-être utiliser tout à l'heure. Merci Alain, je vous laisse maintenant aller à Montgaudine où vous avez rendez-vous. C'est vous qui le dites à Pâturage. Marina, bonjour. Bonjour Benjamin. Et à propos des attentats, ça recommence. On dit que l'écran géant de la place Roger était visé, des entrées de métro sont fermées. Honnêtement, vous qui avez des enfants qui se dirigent vers Bruxelles, il faut éviter la capitale ou pas? Bah écoutez, ils ne vont pas souvent à Bruxelles, mais je veux dire, ils vont quand même travailler, ils se déplacent, tout ça. Moi-même, je ne sors pas beaucoup, donc je ne vais pas vers Bruxelles, mais on peut être atteint n'importe où. Même ici, en Wallonie. Est-ce que vos enfants fréquentent le centre-ville, parfois? Parfois, oui, parfois. Et même, ici, pour le football, ils vont aussi voir les matchs en plein air, tout ça. Ça vous a pas inquiété deux secondes? Les terroristes, d'après les autorités, visaient l'écran géant, la fan zone, en plein cœur de Bruxelles. C'était le lieu du rassemblement du foot qui était visé. Oui, mais eux, ils ne vont pas à Bruxelles. Donc c'est ici, dans les environs, je vais dire, vers Amons. Bien sûr, c'est une ville, toutes les villes peuvent potentiellement être visées, mais eux n'ont pas peur, ils disent qu'il faut vivre avec ça, et moi je me dis aussi, je vis avec ça, je n'ai pas peur, mais j'ai peur pour mes enfants et mes petits-enfants, parce que leur avenir aussi, ils vont vivre dans un... Parce que c'est une forme de guerre, et ça... Ça va aller crescendo. Dans quel camp vous êtes, Marina, ce matin? Dans quel camp vous êtes? Donc 152 boxes de garage ont été visitées et on n'a pas retrouvé d'armes. Vous êtes de celles qui disent qu'il n'y avait peut-être pas d'armes ou vous êtes de celles qui disent que les armes sont toujours cachées quelque part? Vous êtes dans quel camp? Elles sont cachées quelque part. Il y a plein de cellules. Ah, vous êtes dans ce camp-là, alors. Et on a bien vu qu'il y avait encore donc des cellules actives et peut-être de l'entourage ce week-end. Je vous rappelle que 3 personnes sont sous mandat d'arrêt. Marina, vos enfants n'ont pas peur et sont à Bruxelles, donc. On marque une pause et dans un instant, à Couvin, Chantal viendra se confronter à un homme ou à une femme qui est au chômage en Wallonie depuis 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez, ce chômeur. C'est juste après la pause. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini-format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee. Faites-vous plaisir. En 1997, les JFO, ça donnait ça. Il est mignon. Wow. Une glace, s'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Oh, c'est dingue, ça. Délicieux. Les journées fermes ouvertes, c'est 20 ans de plaisir en famille. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur jfo.be. Une initiative de l'APACW avec le soutien de Vivacité et Sud-Presse. L'avenir vous emmène au resto avec son supplément Table d'été. Profitez de nos menus au prix estival de 29€ par personne, apéro et vin compris, dans des restaurants sélectionnés pour vous. À découvrir dans l'avenir ce mardi 21 juin. Les 25 heures VW Fun Cup, la course d'endurance la plus fun au monde. Avec plus de 100 voitures au départ, une ambiance unique et en exclusivité mondiale, la possibilité de vivre la course en tant que passager en biplace. Vivez cet événement familial le week-end des 9 et 10 juillet sur le circuit de Francorchamps. Entrée offerte sur le site de l'organisateur Chronos Events avec la 2 et Vivacité. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de... Vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. L'exposition Homo Migratus. L'homme migre depuis la nuit des temps. Homo Migratus fait le point sur ce phénomène millénaire pour mieux comprendre la migration humaine et le brassage des cultures. Une exposition pour tous au musée de la Vie Wallonne à Liège. Entrée gratuite. Info, viewallonne.be. Une initiative du service culture de la province de Liège. Avec le journal Le Soir et Vivacité. Et Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, un fumoir installé juste devant l'entrée de l'hôpital de la Citadelle à Liège fait polémique. Un fumoir devant un hôpital, ça incite à fumer, faut le retirer. À ce propos, j'ai eu Simone de Moucron. Pour elle, ça n'incite pas à fumer, c'est une très bonne idée. Pour elle, ce fumoir est une bonne idée à condition que les fumeurs n'aient le droit de fumer nulle part ailleurs, qu'on les oblige à aller à ce fumoir. Elle s'explique, bien sûr, l'été, les fumeurs iront volontiers au fumoir, mais quand l'hiver va arriver, quand il y aura de grosses pluies, quand il fera froid, peut-être que ces fumeurs vont réfléchir à deux fois avant de sortir devant l'hôpital, avant d'aller allumer leurs cigarettes dans le froid. Elle trouve donc, Simone, que c'est une bonne idée dans le sens où peut-être que ça va donc générer une diminution de la consommation de cigarettes dans cet hôpital, tout simplement parce que les gens n'iront plus fumer dans le froid. C'est vous qui le dites à Couvain. Chantal, bonjour. Bonjour Benjamin. Il y a donc en Wallonie un homme ou une femme qui est depuis plus de 42 ans au chômage. Tranché parce que c'est le choix. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez? Je le déteste. Pourquoi vous le détestez? Parfois on ne trouve pas de travail, pas par sa faute, mais parce que les événements sont ainsi faits. Étant d'école supérieure, il a refusé du travail, il n'a plus jamais voulu travailler. Et il est là depuis, il passe à travers les mailles du filet, et à chaque fois... C'est qui, il ? Mon beau-frère. Il est au chômage depuis combien de temps, votre beau-frère ? Oh, ben, il n'a jamais travaillé que 8 jours, il a 61 ans, il va être à la pension du chômage avec 800 euros par mois. Mais il s'en plaint ? Non, il est bien, il est très bien, alors que mon mari vient d'être mis dehors par une fermeture de... d'usine. Après un an, on est déjà dégraissé au niveau du chômage. Et lui, ben, il va avoir une pension de chômage. Il n'a jamais travaillé. Votre beau-frère, vous m'avez dit qu'il avait travaillé 8 jours. Il a fait quoi pendant ces 8 jours? Dans un bureau de géomètre. Et puis, c'était tout. Ça ne lui a pas plu. Et il n'a plus jamais voulu retravailler. Il a toujours passé à travers les mailles du filet. Mais il a cherché quand même. Parce qu'à un moment, si on ne cherche pas, non, on est exclu. Non, il n'a jamais été exclu, il a toujours arrivé à ses fins, de passer à travers, et voilà, il est bien comme ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit « j'aime pas le travail » ou il dit « je suis inapte » Qu'est-ce qu'il dit? Je n'aime pas le travail, je ne travaillerai jamais, et je suis bien comme je suis, et voilà. Mais il dit peut-être ça pour sauver la face? Non. C'est quelqu'un de très instruit qui a jugé que lui, le travail, c'était pas pour lui, et il vit comme ça, et... Et je ne vous dirai pas plus, mais bon. Hein. Chantal, alors un avis, puisque vous connaissez ce genre de profil. L'homme ou la femme qui est au chômage en Wallonie depuis plus de 42 ans, vous pensez qu'il peut être content? Ben lui, il n'est pas malheureux. Il est avec quelqu'un qui a de l'argent. Donc lui, c'est son argent de poche, son chômage. Hein. Il est quand même isolé dans... Il doit donner quand même une location, puisqu'il ne peut pas vivre avec quelqu'un. Mais il s'est bien tiré son plan comme ça. Donc le il, c'est votre beau-frère, hein, qui n'est pas de confusion. Il y a notre il qui est ce chômeur ou chômeuse de plus de 42 ans. Et puis le il, c'est votre beau-frère qui n'a jamais travaillé, à part peut-être 8 jours dans un bureau de géomètre. Chantal Couvain, notre chômeur de plus de 42 ans, vous le détestez, avez-vous dit. Nous sommes maintenant à Trois-Ponts. Josiane en ligne, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et vous souhaitez aller plus loin sur les attentats, ça recommence. Donc on dit que l'écran géant de la place Rogier était visé. Ce matin, des entrées de métro sont fermées. Hier, à nouveau, des alertes colis piégés. Et la semaine dernière, on nous a dit que des combattants venaient pour viser un centre commercial ou des fast-food. On doit éviter Bruxelles ou pas? Pas du tout. Vous venez de temps en temps à Bruxelles? Oui, je vais de temps en temps à Saint-Luc pour des soins médicaux. Et bon, quand on va à l'entrée de Saint-Luc, bon, c'est quasi l'aéroport. Hein, et je n'ai pas peur du tout. J'ai plus peur d'aller à Verviers que d'aller à Bruxelles, par exemple. Ça vous a fait quoi de savoir que ce week-end, donc, notre police a déjoué un attentat qui allait viser un moment festif, qui allait viser la fan zone pendant le match des Diables Rouges? Oui, mais bon, quand on voit en France le monde qu'il y a dans les gradins, si vous voulez attaquer, ils attaqueraient là-bas. Donc, franchement, c'est du n'importe quoi. À Trois-Ponts, c'est la même chose, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, il y avait soi-disant des djihadistes à Saint-Jacques. C'est pas pour ça que je ne veux plus sortir de chez moi. Ou alors je reste dans mon lit toute la journée avec des gilets pare-balles. Et puis non, c'est du ridicule. À Verviers, je crois que c'est plus dangereux à Verviers qu'à Bruxelles. Est-ce qu'on peut sortir de ce week-end en se disant « ça n'arrête jamais » 152 boxes de garage visitées, 3 hommes interpellés, dont 2 qui étaient de la famille des terroristes du métro et de Zaventem. Est-ce qu'on peut en sortir avec l'impression que ça n'arrête jamais? De toute façon, c'est comme ça, quand votre relais là, ça n'arrêtera jamais. bon, ils doivent chercher un petit peu le noyau. Donc, bon, il y a un imam à Verviers qui est expulsé. Ça aurait été une famille avec des enfants, il y a autant qu'ils seraient dans un avion. Ah, vous m'avez dit, on se méfie plus de Verviers que de Bruxelles. J'ai retenu ça. Josiane Troispont. Nous sommes dans le Brabant flamand maintenant, à Kerbergen. André, bonjour. Bonjour, Benjamin. À l'hôpital de Citadelle à Liège, on a mis un fumoir juste devant l'hôpital. C'est bien ou c'est pas bien? Disons que je ne vois pas la polémique à ce sujet, parce que ça n'incite pas, d'après moi, ça n'incite pas à fumer, parce que celui qui rentre à l'hôpital et qui a un cancer du poumon, de toute façon, il est en clinique. Et à ce moment-là, je trouve qu'on devrait également interdire les magasins funéraires. Mais dans le fumoir, il n'y a pas que des gens qui ont un cancer du poumon. Hein. Dans le fumoir, il y a toute autre catégorie de patients, et puis il y a des gens qui passent devant ce fumoir. Oui, il y a des gens qui passent, mais il y a des gens où il n'y a pas de fumoir. Il y a des gens qui fument à l'extérieur et vous devez passer également. Vous aimez cette théorie qu'il y a avec un fumoir, on canalise tous les fumeurs, ils sont entre eux, et on évite aux non-fumeurs d'être en contact avec la fumée. Vous aimez cette théorie? Non, parce que comme je vous dis à l'UCL à Bruxelles, les fumeurs sont à l'extérieur et nous devons également passer à travers eux. Et c'est mieux de les canaliser dans un fumoir type abribus ou il faut les laisser plic-ploc ça et là? Non, non, il vaut mieux, d'après moi, il vaut mieux les canaliser, mais ça n'incitera jamais quelqu'un à ne pas fumer ou à fumer. Donc entre le plic-ploc et la canalisation, vous préférez, on se comprend bien, canaliser les fumeurs sous l'abribus. Quelle conversation s'impose? Rendez-vous après les infos. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce lundi, Slovaquie, Angleterre et Russie, Pays de Galles. Les deux derniers matchs du groupe B, but après but, avec la rédaction des sports. Et dès 20h en direct de Nice avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme et des congrès de Nice. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Vous êtes sur Viva et les 10h. On s'informe. Simon Bourgeois, bonjour. Bonjour à tous. Le travail a repris ce matin dans les prisons de Forêt et Mons. Ça faisait presque deux mois que les gardiens étaient en grève. Ils reprennent leur poste mais n'ont pas forcément obtenu tout ce qu'ils voulaient. Certains sont d'ailleurs déçus du résultat de cette grève. Ce qui est sûr, c'est que les prisons sont toujours dans un état déplorable. Le bourgmestre de Forêt rencontre le ministre de la Justice cet après-midi. Il menace de fermer la prison si rien ne change. Les députés de la commission d'enquête sur les attentats de Bruxelles prennent le Thalys ce matin, direction Paris. Ils vont rencontrer leurs collègues, les parlementaires français qui font le même boulot d'enquête qu'eux, mais sur les attentats de Paris. Au programme, une visite symbolique de la salle du Bataclan, c'est dans une heure. Et puis après, trois mois après ces attentats de Bruxelles, la Belgique est toujours sur le qui-vive. Plusieurs accès au métro sont fermés ce matin dans la capitale. Toutes les stations sont ouvertes, mais certaines entrées sont fermées pour des raisons de sécurité. Ce week-end, la police a arrêté trois personnes de la famille des kamikazes de Bruxelles. Manifestement, ils préparaient eux aussi un attentat chez nous. En Italie, percée du mouvement 5 étoiles, ce parti anti-système gagne deux grandes villes aux élections municipales, Rome et Turin. Une fameuse défaite pour le chef du gouvernement Matteo Renzi. Son parti garde quand même Milan et Bologne. Et puis un mot de football, la France et la Suisse ont fait égalité 0-0 hier à l'Euro. Un partage qui arrange tout le monde. Les deux équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Au programme aujourd'hui, l'Angleterre affronte la Slovaquie. Le Pays de Galles rencontre la Suisse. Une situation très ouverte dans ce groupe B, tout le monde peut encore se qualifier. Et puis encore, on termine avec la météo. Aujourd'hui, des nuages sur tout le pays. Il fera gris, il y aura du vent, des températures entre 15 et 19 degrés. 11h02, on file sur les routes. Est-ce que ça roule ce matin, Stéphane Piebeuf? Ça roule un peu moins bien aux portes de Bruxelles sur le 411. Vous êtes ralenti en venant de Namur entre Overijse et Léonard. Il faut ajouter 10 minutes. 10 minutes supplémentaires également sur l'A12 qui vient d'Anvers entre Meiz et Strombeek, ainsi que sur le 40 qui vient de Gand aux portes de Grand Bigard. Toujours cette perte de chargement signalée, une perte d'huile en fait sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure à hauteur d'Anderlecht. La bretelle de sortie numéro 15 à ULB Erasme est toujours fermée à la circulation, ce qui entraîne évidemment de gros embarras de circulation avance sur tous les axes avoisinants en direction de Grand Bigard. Sur le ring, la situation est compliquée à cause du chantier Anderlecht. Entre Ittre et Grand Bigard, c'est toujours 40 minutes supplémentaires ajoutées à votre temps de parcours ce matin. Entre Grand Bigard et Zaventem, 16 minutes en plus. Et pour ce qui est de la circulation extérieure du ring de Bruxelles, vous ajoutez 35 minutes entre Ittre et le carrefour Léonard, 25 minutes entre Zaventem et Grand Bigard. Et sur le réseau secondaire, l'accident situé sur la Nationale 6 Mons-Bruxelles est toujours d'actualité à hauteur de Nimy. La bande de droite est neutralisée. Il y a des files en direction de la capitale. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et tout de suite, on continue avec Benjamin Maréchal. C'est la suite de C'est vous qui le dites. Merci Simon. La rédac revient tout à l'heure à 11h. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Demain, on pourra tous devenir livreurs de colis à la place de la poste. Grâce à quoi? Grâce à la plateforme Bringer. C'est un genre d'Uber du colis en quelque sorte. La question qui dérange, c'est la suivante. Est-ce que Bipost se tire une balle dans le pied en faisant ça? Est-ce qu'elle tue ses facteurs? Un mot sur le système. Bringer, plateforme de partage en ligne. Celui qui veut envoyer un colis s'inscrit, cherche quelqu'un qui est prêt à livrer le colis. Les voilà en contact. Le montant de la rétribution dépend de la distance, du poids, de la taille du colis et de son contenu. Bipost recevra dans l'opération une petite commission. Dans ce dossier, nous cherchons le bon interlocuteur. Mélanie Joris, c'est votre travail. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, tout à fait. Et la piste, eh bien, c'est celle du syndicat CSC Transcom qui a déjà réagi à l'annonce de ce nouveau service qu'elle qualifie de catastrophe pour le secteur du colis. Vous voulez influencer la conversation. Vous êtes facteur, vous êtes dans le secteur du colis. Vous êtes peut-être tenté par ce nouveau job. Vous livrerez des colis à la place d'un facteur. Laissez votre commentaire à Zoé au standard. Et Louis de Neuchâteau, il n'est pas facteur Benjamin, mais il laisse son premier commentaire. Oui, ça va tuer les facteurs et c'est aussi un nouveau pas vers l'individualisme dans notre société. Au lieu de préserver les postes des autres, on va vers la surperformance et la fin des services publics. Demain donc, on pourra tous devenir livreurs de colis à la place de la poste grâce à cette plateforme Bringer qui va d'abord être testée à Anvers et puis généralisée dans l'ensemble du pays. Question qui dérange. Bipost se tire-t-elle une balle dans le pied en faisant cela et tue-t-elle ses facteurs? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. D'abord, d'après les statistiques officielles, un Wallon est au chômage depuis plus de 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez. Attentat, ça recommence. On dit que les grands géants de la place Rogier étaient visés. Des entrées de métro sont fermées. Honnêtement, faut-il éviter Bruxelles? Et puis un fumoir installé juste devant l'entrée de l'hôpital de la Citadelle à Liège fait polémique. Un fumoir devant un hôpital, est-ce que ça incite à fumer? Faut-il le retirer? Trois débats, Zoé au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur cette statistique officielle. Un Wallon est au chômage depuis plus de 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez. Nous vous demandons de nous livrer votre sentiment ce matin dans C'est vous qui dites. Grâce aux statistiques, on a régulièrement un portrait de nos chômeurs. Et bien cette fois, la loupe est placée sur les chômeurs dits de longue durée. Voici les chiffres. On apprend donc que sur les 417 432 chômeurs recensés en 2015, 66% le sont depuis plus d'un an et 45% le sont depuis plus de deux ans. En matière de durée, ce n'est pas tout. 11 972 Belges sont au chômage depuis plus de 20 ans et la moitié d'entre eux se trouvent en Wallonie. Un homme, et c'est là qu'on apprend donc qu'un homme ou une femme est au chômage depuis plus de 42 ans. Quelques infos pour venir commenter ça dans quelques instants. Le compteur d'un demandeur d'emploi n'est remis à zéro que s'il trouve un travail pendant au moins 3 mois. Donc ce chômeur de 42 ans a peut-être exercé 2-3 jobs ça et là, on n'en sait rien. Et le constat, il n'a pas été exclu du chômage. C'est soit la preuve qu'il cherche, mais quelque chose s'est passé puisqu'il ne l'a pas trouvé. C'est soit la preuve qu'il cherche, soit il est passé à travers les mailles du filet. Mais comment? À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Le fait qu'il puisse depuis 42 ans, honnêtement, il n'a pas fait que chercher. C'est pas possible, on le sait tous, on va pas être hypocrite. C'est qu'il a profité du système. C'est que le système lui a permis d'en profiter. En 42 ans, on cherche maintenant. Bon, on va pas être hypocrite non plus. Les patrons signent des papiers faisant foi que les chercheurs d'emploi sont bien passés chez eux, ont bien cherché. En fait, c'est même plus un entretien. Le gars vient, on lui signe son papier, voilà, il est tranquille, mais il a rien cherché du tout. Est-ce que ce monsieur ou cette dame est à plaindre? 42 ans sans un travail? Non, je ne le plains pas. Il a partiellement fait ce choix, j'en suis persuadé. Ce qui me chagrine plus, ce qui est vraiment interpellant, j'espère qu'il n'a pas d'enfant. Vous êtes vous-même en demandeur d'emploi, vous avez une connaissance de ceux et celles qui ont fait le choix d'un chômage longue durée. Si c'est un choix, évidemment, ce n'est pas encore une certitude, ce sera à vous de le dire. Vous avez un simple regard de travailleur ou de patron. D'après les statistiques officielles, un Wallon est au chômage depuis plus de 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaigniez, vous le détestez. 070-233-466 par SMS au 3063. Et dans un instant à Tongres, c'est Damir qui viendra s'adresser à ce monsieur ou cette madame de Wallonie. C'est vous qui le dites. Sony, la famille, c'est le plus important. Je sais. Je parle. Tu te rends compte du temps que tu passes devant notre télé à regarder tes comédies de gonzesses. Ma papa... Alors que ta mère et moi, on pourrait regarder un film sur la famille. Ma papa, la maman, ça fait 10 ans qu'elle est partie avec Tony. Avec Canal Play, profitez en illimité de films, de séries, de dessins animés pour toute la famille pour seulement 9,99€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Abonnez-vous à Canal Play pour la première fois en Belgique sur vous.be. Canal Play est en exclusivité chez vous. Offre soumise à condition. J'ai peur de la récré. Je comprends pas ce qui se passe avec mes parents. Y'a personne qui m'aime. Je peux jamais rien faire. J'arrive pas à rester tranquille. Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. Explorez le webdoc sur yapaka.be. Avec le soutien de la région Wallonne et de la COCOF. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Un petit mot sur cette nouvelle victoire? Je pense que, dans l'ensemble, l'équipe a fait un beau match, yes. Ben, moi, chérie, je pense qu'il est temps de lever ses petites fesses et de filer chez Biémarbois. Le plus large choix de terrasses, bardages et aménagements extérieurs. Ça, c'est un trio offensif de rêve. Hmm? Biémarbois, à Soumagne et Malmedy. L'équipe la plus complète pour vos aménagements extérieurs. Biémarbois, des conseils diablement pro. Un sol stratifié pas cher, vous pouvez en trouver n'importe où. Mouais. Mais un sol stratifié de qualité à 6,25€, vous ne le trouverez que chez Big Mat. 6,25€ au lieu de 8,95€, c'est déjà une belle promo. Mais si en plus on parle d'un sol stratifié système clic de 7 mm d'épaisseur, ça devient imbattable. Et dans différentes teintes en plus. Votre Big Mat doyen à Serein, rue du Charbonnage. Retrouvez cette promo et bien plus encore sur bigmat-doyen.be. Vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Cette année, Hawaï se met à l'heure d'Hawaï pour la braderie d'été. Du 23 au 26 juin, les meilleurs prix dans une ambiance de fête hawaïenne. Bar, animation musicale, menu hawaïen et nocturne le vendredi jusque 22h. Rendez-vous à Hawaï... Non, à Hawaï du 23 au 26 juin. Hawaï, il s'y passe toujours quelque chose. Hawaïcommerce.be. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070-233-466. Deuxième partie donc de C'est vous qui le dites avec la conversation que vous avez souhaitée. Si vous nous regardez sur la une télé, petit problème de son, vous l'aurez noté par vous-même. Mais nous voici bel et bien en direct à 10h11 pour commenter ce chiffre venu des statistiques officielles chômage. Un Wallon est au chômage depuis plus de 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez. Ces deux informations une nouvelle fois pour entrer dans la conversation avec votre profil. Le compteur d'un demandeur d'emploi n'est remis à zéro que s'il trouve un travail pendant au moins 3 mois. Ce monsieur ou cette madame a peut-être travaillé plusieurs fois, mais moins de 3 mois. Vous nous direz si on peut faire 42 ans de carrière comme ça. Et puis la suite, 42 ans sans être exclu du chômage, c'est donc la preuve que ce monsieur ou cette dame cherche. C'est peut-être aussi la preuve qu'il est passé à travers les mailles du filet, mais comment ? Puisqu'il y a les contrôles de l'ONEM, maintenant les contrôles du Forem, et que vous connaissez peut-être, vous, la qualité ou l'insistance de ces contrôles. 070-233-466 par SMS au 3063. Nous sommes d'abord à Tongres. Damir est en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Ce chômeur de plus de 42 ans, vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez? Je le déteste. Je le déteste parce que je ne comprends pas comment, dans un pays pareil qu'en Belgique, on ne sait pas trouver du boulot. Moi, j'habite ici depuis 15 ans. J'ai toujours eu le boulot, j'ai fini mes études ici, j'ai toujours trouvé le boulot. Et en plus, je fais plus de 100 km pour aller et 100 km pour retour pour travailler. Donc, me dire qu'il n'y a pas de boulot en Belgique, c'est impossible. Ah bah alors, voyons les différences entre vous et lui. Vous avez peut-être fait des études. Vous avez fait quoi comme études? Non, mais c'est rien à voir avec les études. Moi, je fais comme un soudeur. Donc, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que monsieur ou madame a fait comme études. Mais c'est pas ça qui compte, c'est la volonté, la bonne volonté qui compte. Attendez, j'essaye, c'est peut-être que vous êtes dans un métier en pénurie où on trouve facilement, peut-être que soudeur on trouve facilement. Non, parce que j'ai été aussi au chômage, malheureusement j'ai été au chômage quelques temps, je n'ai pas dépassé un an, mais voilà, si on veut, on trouve. La preuve que je fais plus de 100 km par jour pour aller 100 km retour de, pour retour. Donc voilà, moi je ne comprends pas. Il a des amis, il a des connaissances. C'est un monsieur ou madame qui est né en Belgique. Donc c'est sûrement un Belge qui a des connaissances. Et qui, les, son, oui, son mais l'inverse, il... l'inverse. Si vous me dites si on veut, on trouve. Donc si on ne trouve pas, c'est que quoi? C'est qu'on n'a pas voulu on ou qu'on n'est pas formé? Non, on ne veut pas travailler. Moi je ne comprends pas comment ce qu'on peut, on ne sait pas trouver boulot. En voulant aller travailler. Donc il y a des gens qui veulent bien vivre, il y a des gens qui veulent bien vivre qu'avec le chômage. Il y a là un Wallon qui veut bien vivre qu'avec un petit montant. Il est satisfait avec le montant qu'il gagne, il a assez pour acheter son petit pain, et voilà, il veut pas progresser dans la vie, il ne voit pas de l'avenir, donc voilà, c'est un ou une personne qui est bloquée. Voilà, tout mais simplement. Alors, pourquoi vous le détestez? Si je suis votre théorie en supposant qu'elle soit la bonne, c'est quelqu'un qui a fait un choix, le choix d'acheter son petit pain, et rien d'autre. Alors il ne faut pas le détester, c'est un choix de vie. Si je le déteste, parce qu'il profite de la système, il a bien compris comment le système marche, il profite de la système tout simplement. Et la système le permet de le faire ça. Et on ne peut pas faire ce choix, vivre avec son petit pain, on ne peut pas. Non, moi je trouve qu'on doit gagner, l'argent pour payer un petit pain et non pas vivre sous les dos des autres. Il est à plaindre ou pas ce monsieur? Oui, oui. C'est un oui du bout des lèvres, mais le premier mot que vous avez choisi, Damir, et je le déteste, il a fait le choix d'acheter son petit pain et de rester là comme ça. C'est un choix qui a été fait, 070-233-466, un monsieur ou une madame, ça les statistiques ne le disent pas, évidemment il y a une part de confidentialité, est au chômage depuis plus de 42 ans et il fait donc partie de ces 11 972 Belges qui sont au chômage depuis plus de 20 ans. Notez que plus de la moitié de ces chômeurs-là se trouvent en Wallonie, ce sont les statistiques qui le disent. Rick Sansard nous appelle, Alain bonjour. Oui bonjour. Un homme ou une femme qui depuis 42 ans n'a jamais travaillé depuis plus de 3 mois, vous enviez, vous plaignez, vous détestez? Ben, j'en plains certains, quoi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui profitent un peu de la chose, mais je crois qu'au chômage, on ne gagne pas grand-chose. Et alors, en Belgique comme en France, on a créé des emplois à court terme, mais pas à long terme. Les petites mains, ben, elles disparaissent. Vous allez dans un magasin, enfin un restaurant de libre-service, et bien on vous dit, débarrassez le plateau, faites votre course au magasin pour aller le scanner. Et tout ça, ben, c'est des petits emplois qui foutent le camp. Ah ben donc alors, Alain, ce chômeur voilà qui est au chômage depuis 42 ans, il ne l'a pas fait exprès, il est victime de la disparition de cette job liée au libre-service. Exactement, on ne crée pas assez d'emplois en Belgique, à court terme et pas à long terme. Quand vous êtes trop longtemps au chômage, ben, le patron dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a trop longtemps que vous êtes au chômage, mais quand vous n'êtes pas assez longtemps au chômage... Je ne vais pas vous engager. Et donc c'est une victime. C'est trop cher pour les primes, quoi. Je veux comprendre parce que Damir n'a pas dit ça. Est-ce que ce monsieur qui est au chômage ou cette dame depuis plus de 42 ans est une victime? Elle est victime du système. Et comment ça se fait que d'autres qui sont dans le même système ont pu trouver un travail et pas lui ou elle? Pourquoi? Parce que peut-être ils ont eu la chance de tomber au bon moment ou je ne sais pas. Ça dépend encore les tranches de travail, hein. les secteurs. Hein. Vous croyez que c'est possible qu'un homme ou une femme fasse le choix de ne pas travailler, que quelqu'un se dise « moi je vais tout faire pour faire une carrière complète au chômage ». Vous pensez que c'est possible? Bah, y a toujours des gens qui passent entre les mailles du filet, quoi. Mais... Encore aujourd'hui? Ouais, encore aujourd'hui parce qu'il y a trop de chômeurs et il n'y a pas assez d'emplois. On ne crée pas assez d'emplois. À court terme, mais pas à long terme. Donc je vous refais la question. Automatiquement, au bout de 3 mois ou 6 mois, on vire la personne. Moi, j'ai le coup, dans un grand magasin, c'est comme ça, hein, on engage à court terme. Et alors après, elle retombe sous le chômage. Et alors, quand on voit le nombre de mois qu'ils ont fait au chômage, ben, ça compte en années, hein, forcément. Hein. Alain, donc vous me dites qu'il y en a qui passent à travers les mailles du filet, mais je vous refais la question. Donc il y a des gens, et cette personne-là, elle a peut-être fait le choix de ne jamais travailler. On peut faire le choix de ne jamais travailler. Je pense que non, quoi. Ah, c'est un non. Ok. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que certains ont l'impression, notamment dans les SMS au 3063, qu'on peut faire ce choix. Mais vous, vous me dites non, ce n'est pas un choix, pas un choix. Je note ça à l'instant sur mon petit document de travail. Nous sommes à Coxyde maintenant. Benito en ligne, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous avez été patron pendant 35 ans, dans quel secteur, vous ? La restauration. Benito, est-ce qu'on peut rester 42 ans sans trouver un job plus de 3 mois ? Est-ce que c'est possible ? Mais écoutez, il ne faut pas raconter des conneries aux gens, hein. Il faut quand même être réaliste et un peu d'éducation vis-à-vis des gens. Moi, je le félicite qu'il ait 42 ans au chômage par la simple raison qu'ils ont bien voulu l'accepter au chômage. Est-ce qu'il en combine ? Est-ce qu'il a... Mais donc vous l'enviez ? Mais non, je le félicite. Ah ben si vous le félicitez, c'est que vous l'enviez, vous auriez voulu d'une vie au chômage. Non, non, écoutez, monsieur, j'ai 76 ans, on m'a encore proposé d'y travailler, mais écoutez, du travail en Belgique, il y a du travail. C'est les gens qui ne veulent pas travailler. Mais s'il n'a pas le niveau d'études, s'il a... Mais monsieur, il y a les planches, il y a pour faire la planche, il y a pour nettoyer à la commune les rues, on a tout le travail possible, imaginable dans ce monde ici. Mais, on nous dit au forum qu'il y a d'abord le problème de l'étude, et puis il y a des gens qui sont dans une situation sociale, dans une précarité intellectuelle et sociale telle que certains, oui, il faut bien l'admettre, ne peuvent pas trouver. Mais écoutez, si on a la volonté de travailler, on trouve toujours. Oui, mais la volonté, c'est pas encore la capacité intellectuelle. Mais la capacité intellectuelle, il y a tellement de métiers qu'il ne faut pas être intellectuel, monsieur. Vous savez, pour laver une casserole dans un restaurant, il ne faut pas être ingénieur, hein. Mais aujourd'hui, prenons l'exemple d'aujourd'hui, ce monsieur ou cette dame qui a 42 ans de chômage se présente pour faire la plonge dans un resto. Vous croyez qu'on va le prendre, cette personne, ou elle est trop vieille ? Mais écoutez, s'il a 42 ans maintenant de chômage, c'est-à-dire qu'il a, il a minimum 60 ans, cette personne. Donc on va accepter quelqu'un de 60 ans à la plonge ? Mais certainement, si on a besoin, on cherche tout le temps dans la restauration. Monsieur. Benito, vous êtes sûr que les gens de 60 ans les engagent encore facilement ? Mais j'ai les 76, monsieur, on ne m'a pas encore proposé de travailler dans un restaurant. Je dis, mais monsieur, vous êtes fou. Je dis, prenez des jeunes. Et ils ne veulent pas travailler, les jeunes, monsieur. Mais si vous, vous êtes une exception, peut-être que ce chômeur de 42 ans de chômage est une exception aussi ? Mais non, monsieur, ne faites pas croire de français, monsieur. Soyons un peu honnêtes, hein. Alors la vérité... Dans ce monde ici, mais vous savez que 42 ans, dans le temps, le travail, ça trouvait n'importe où, monsieur. L'honnêteté, vous l'enviez, vous le plaignez ou vous le détestez ? Non, je le déteste pas, je le félicite, parce qu'il était malin, nous a pris tous pour des imbéciles. Je le félicite parce qu'il a été malin, ce sont vos mots, je le félicite... parce qu'il a été malin et nous a pris pour des imbéciles. C'est enregistré et noté, c'est sur la bande. On va marquer une nouvelle pause, Benito, en vous laissant à Coxyde pour aller à Liège. Dans un instant, Marie-Claire nous dira quel regard attendri ou pas elle pose sur ce chômeur de plus de 42 ans. Et puis nous verrons quelle est la tendance au standard. L'envie, vous le plaignez, vous le détestez. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce lundi, Slovaquie, Angleterre et Russie, Pays de Galles. Les deux derniers matchs du groupe B, but après but, avec la rédaction des sports. Et dès 20h en direct de Nice avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme et des congrès de Nice. Trouvez l'essentiel petite robe d'été ou la tunique tendance à la boutique Lola Coquelicot à Spa. 7 jours sur 7, découvrez des collections hautes en couleurs comme la fée maraboutée ou Myrine, les pantalons Stéman et une foule d'accessoires. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée ? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, vent de rentrée. Avec Cyril. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Bonjour, ici Frédéric François. Je vous attends sur le Beau Vélo de Ravel ce 25 juin à la Calamine. Je partagerai la scène avec Marina Kaye et Axel Red. À samedi, les amis, sur Vivacité. Le Showcase du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 25 juin à la Calamine. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Et au 070-233-466. D'abord, Zoé, voyons la tendance. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez à ce stade, il est 10h22. Quel est le choix qui est le plus souvent fait? Et le choix qui est le plus souvent fait, Benjamin, c'est l'envie. Gabrielle de Liège, elle l'envie. 42 ans de chômage équivaut à 42 ans de vacances pour Gabrielle. 42 ans de vacances, Benjamin, c'est le pied. Fabien de Grimbergen, être au chômage, pouvoir se prélasser dans son salon, redécouvrir le temps, de prendre un bouquin dans ses mains sans compter les minutes avant les bains des enfants ou regarder sa montre avant pour se coucher tôt. C'est tout simplement super chouette, nous dit Fabien. Retenons alors l'envie là où Damia disait je déteste, à Coxide Benito félicitait. Dernière chose Zoé, avant d'aller à Liège où nous attend Marie-Claire, comment le choix est-il fait? C'est souvent sur base d'un ami qui est chômeur, donc c'est souvent sur base de quelqu'un qu'on connaît dans l'entourage. Hein. On a perdu le standard, on la retrouvera dans quelques instants, tant pis. Alors nous sommes à Liège, Marie-Claire bonjour. Oui bonjour monsieur. Et vous l'enviez? Ah oui, moi je l'envie parfaitement. Et vous l'enviez de quoi? Monsieur que vous avez eu avant moi a bien compris la situation et je suis entièrement d'accord avec lui parce que je pense qu'à l'époque actuelle on peut trouver du boulot. Moi j'ai dû me recycler. Vous étiez quoi? Vous êtes devenu qui vous? En fait moi j'étais architecte d'intérieur. Et bien sûr la situation étant à la sortie d'école, bon je n'ai pas trouvé d'emploi. Et vous avez fait donc, quoi? Pardon? Vous avez fait quoi? Donc, je me suis recyclée dans le milieu hospitalier comme auxiliaire de soins et j'ai travaillé dans un home pendant 20 ans en nuit. Et puis après, j'ai quitté ce home et je me suis remise dans une antenne de service à domicile. Mais vous avez peut-être une capacité d'adaptation que cet homme ou cette femme n'a pas. C'est un talent que vous avez et qu'il n'a peut-être pas. Ben écoutez, je ne pense pas. Je pense tout simplement qu'il faut avoir un peu plus de... comment vais-je dire? Pas d'orgueil, mais je ne veux pas vivre au crochet de la société. Je pense que tout le monde donne un peu de son tribut. Mais je pense que ces gens-là en profitent largement. Pourquoi vous ne le voyez pas comme une victime? Vous le voyez comme quelqu'un qui a manqué de courage et d'orgueil. Pourquoi vous ne le voyez pas comme une victime? Ah, écoutez, parce que c'est triste. Non, je ne le vois pas comme une victime, il ne faut quand même pas exagérer. Alors il y en a beaucoup des victimes, vous savez. Mais vous avez travaillé, vous avez cotisé pour avoir une pension. Lui, sa seule cotisation, oui. C'est celle du chômage. Oui, absolument. Plaignez-le. Mais non, je ne le plains pas. D'abord, il ne cotise pas. Et quand il arrivera à l'âge de 65 ans, sans rien demander, on lui donnera sa pension de 1 060 €. Voilà, sans souci. Mais alors, quand vous m'avez dit au début de la conversation « je l'envie », c'était de l'ironie. Vous ne l'enviez pas du tout. Vous ne rêvez pas de cette vie-là. Je ne rêve pas, moi, de cette vie-là. Mais pourquoi pas? J'aurais pu élever mes enfants tranquillement. Je n'aurais pas dû, déjà payer des contributions. Plus un deuxième emploi que j'ai pris en tant qu'indépendante, pour lequel, bien sûr, j'ai aussi payé des contributions et pour lequel je n'aurai aucune pension. Mais vous auriez pu, vous, Marie-Claire de Liège, vous auriez pu rester 42 ans sans avoir un seul job de plus de 3 mois dans votre vie. Vous auriez pu? Non, pas moi, non. Ah, non, c'est à vous que je pose la question. Est-ce que vous m'avez dit, finalement, j'aurais pu élever mes enfants? C'est un pourquoi pas. Donc c'est ça le topo, hein. 42 ans sans travail du tout ou 42 ans sans travail de plus de 3 mois. C'est ça le topo. Mélanie, on vient vers vous pour l'éclairage. Allons jusqu'au bout dans la réflexion. Donc, est-ce que ces chômeurs de très très longue durée, 42 ans en l'occurrence, est-ce que cet homme ou cette femme a droit à une pension? Eh bien oui, renseignements pris auprès de l'Office national des pensions et auprès d'avocats spécialisés dans le droit du travail, toute période de chômage est assimilée à une période de travail. Ce sera donc bel et bien pris en compte dans le calcul de la pension. Quant au montant exact de cette pension, eh bien il est difficile de l'estimer puisqu'elle est calculée sur base des salaires obtenus pendant la carrière du travailleur ou du chômeur. Mais comme on me l'a rappelé, il existe des minima pour la pension, quelle que soit la carrière. Bon, alors un mot aussi sur cet homme ou cette femme, on n'en sait rien. Hein. Quelqu'un en Wallonie a plus de 42 ans de chômage en appelant le forum. Est-ce qu'on a pu vous donner un profil plus précis, plus complet de cet homme ou cette femme? Eh bien évidemment, il y a des règles de confidentialité, hein, mais auprès du forum, on est bien au courant de ces personnes et de leurs profils qui sont au chômage depuis de nombreuses années. On les appelle d'ailleurs les chômeurs professionnels. Mais du côté du forum, on veut rappeler que ces cas sont rarissimes. Il s'agit de personnes qui sont réellement inemployables pour différentes raisons. On parle de lacunes très importantes, d'un QI très faible ou encore d'un retard mental intellectuel très grave. D'après le forum, ces personnes sont indemnisées au chômage, mais cela est dû à une carence administrative. Elles devraient en fait ne pas bénéficier de la caisse de chômage, mais plutôt d'autres types d'allocations. Mais donc, confirmation que ça existe et que des gens en Wallonie sont inemployables. C'est le mot utilisé au forum. Merci Mélanie. Avec ces éléments, allons à hâte. Mélissa, bonjour. Oui, bonjour. Cet homme ou cette femme, vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez? Dans un sens, je le plains parce que je suis moi-même au chômage depuis presque un an et c'est vraiment très difficile de retrouver du boulot, surtout comme l'ami qui disait avant, quand on veut se recycler. Vous cherchez dans quel domaine, vous, Mélissa? L'administration. Et c'est dur de trouver. Ça veut dire que vous n'avez plus travaillé depuis un an ou vous avez eu des petits intérims de moins de 3 mois? Je n'ai même pas eu d'intérim de moins de 3 mois parce que tout ce qu'on me proposait ne m'intéressait pas et les horaires n'étaient pas convenables. Donc c'est aussi très dur de retrouver du boulot quand on a certaines exigences par rapport aux horaires, quand on a des enfants, c'est assez difficile. Ah bah attendez, alors je prends notre chômeur de plus de 42 ans. C'est peut-être l'addition de tout ça, un problème de compétences, un milieu social, des exigences liées aux horaires des enfants. Est-ce que tout ça peut expliquer 42 ans sans travail? Non, pas du tout. Moi, je trouve pas du tout ça normal que pendant 42 ans, qu'on ne sache pas trouver du travail. C'est impossible. On va pas me dire que sur 42 ans, il n'y a pas une opportunité qui lui a été proposée avec des horaires convenables et un salaire convenable. Ça, c'est impossible. Mais vous, sur un an, on vous a proposé aucune opportunité convenable? On m'a proposé une opportunité convenable, mais malheureusement, suite aux attentats du 22 mars, je n'ai pas pu commencer à travailler et depuis, je n'ai toujours pas de nouvelles. Mélissa, vous êtes un peu poussée dans le dos par le forum, il vous contrôle, il vous spie un peu ou pas? Oui, bien sûr. Tous les mois, j'ai un rendez-vous avec une dame de la maison du travail de chez moi et il me pousse à trouver du boulot, il me donne un coup de main en me donnant des boulots, des propositions de job qui malheureusement ne correspondent pas aux critères de recherche pour l'instant, mais ils sont derrière nous, ils vous aident à faire des lettres de motivation, ils vous aident à faire votre CV correctement, à pouvoir vous présenter, faire un entretien d'embauche correct pour essayer de vous vendre. Ils sont vraiment derrière vous pour vous aider, ils sont pas là juste pour vous contrôler. Eh ben, s'ils sont derrière vous et que parfois ils contrôlent, ils étaient aussi derrière l'homme ou la femme à 42 ans de chômage, qu'est-ce qui s'est passé? Certainement. Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé alors? Là, je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre à votre question, c'est un peu difficile. On peut résister au contrôle? Il y a un moyen de résister ou de contourner les contrôles? Non, il n'y a pas moyen de contourner les contrôles parce que les contrôles... Quand vous n'y allez pas, vous êtes obligé d'avoir une justification valable, donc que ce soit un contrôle chez le médecin ou un entretien d'embauche. Et si vous n'avez pas de justification valable, malheureusement, ça peut poser des problèmes avec justement le paiement du chômage. Mélissa, quand vous serez un jour peut-être face à ce chômeur de plus de 42 ans, vous lui direz: monsieur ou madame, je vous envie, je vous plains, je vous déteste. Vous lui direz: je vous déteste. Et c'est venu du tac au tac. Mélissa, vous êtes à hâte ce matin. 10h31, c'est l'heure de la proportion maintenant. Zoé, dans les appelants de ce matin, combien estime que les contrôles ONEM FOREM sont inefficaces? 70% pensent que les contrôles de l'ONEM FOREM sont totalement inefficaces. Le gouvernement Michel avait promis de resserrer la vis. Résultat, on se rend compte qu'il est possible de ne rien faire pendant 42 ans, que ce soit le PS ou le MR, l'ONEM reste toujours incompétent. RTBF Mobile Info, Stéphane.

encore une fois, n'importe qui peut faire n'importe quoi au prix le plus bas, selon le syndicat. Et elle n'y va pas par quatre chemins, il s'agit tout simplement d'un nouveau système de dumping social, voilà leur mot. De son côté, Bpost estime que cette plateforme pourra accélérer la réception et l'envoi de colis. On pourra demander à son porte-parole sur combien de temps s'étendra la Fastest, qui est actuellement en place à Anvers, avant d'être étendue à l'ensemble du pays, ou encore combien nous coûtera ce nouveau service. Oui, vous l'avez entendu dans les journaux ce matin, hein, c'est déjà la polémique, puisque la CSC Transcom a précisé qu'elle ne voulait pas d'un Uber du colis. Elle se réunit d'urgence ce matin à propos de ce projet et craint évidemment pour l'emploi. Si vous voulez commenter ça, nous souffler des questions pour la conversation de tout à l'heure, laissez votre commentaire à Zoé au standard. Ouais, ce commentaire, c'est Julie de Bouillon qui nous le laisse, et pour elle, ça ne va pas tuer les facteurs, bien au contraire, ça va peut-être obliger les employés de Bpost à revoir leurs critères de travail à la hausse, peut-être qu'ils perdront un peu moins les colis et afficheront un sourire quand on leur parle. Bon, voilà qui est dit. Alors demain, on pourra tous devenir livreur de colis à la place de Bpost grâce à la plateforme Bringer. Est-ce que Bpost se tire une balle dans le pied? Est-ce que ça va tuer les facteurs? Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur ce chômeur de Wallonie qui est au chômage depuis plus de 42 ans. Voilà ce que nous disent les statistiques officielles. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez, ce chômeur de longue durée, de très longue durée. 070-233-466 par SMS au 3063. À Binche, Olivia, bonjour. Bonjour. Quel est votre bonjour. Choix? Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez? Ben, en fait, je le plains parce que, bon, s'il n'a pas trouvé du travail donc pendant 42 ans, peut-être au début, il avait cherché du travail et qu'on l'a carrément... On ne s'était pas intéressé à son cas, c'est tout. Donc c'est l'histoire d'un homme ou d'une femme qui s'est découragé? Ben oui, forcément, puisque le forum, moi, j'ai fait l'expérience moi-même avec mon fils. Le forum n'accompagne pas vraiment les gens qui sont en difficulté, quoi. Votre fils, il avait quel profil? Ben, il avait 33 ans, il a terminé ses humanités. Il a fait une formation auprès du forum. Et après sa formation de 6 mois, en tant que jardinier, ben, on l'a laissé de côté. Voilà. Et pourquoi on l'a laissé de côté? Parce qu'il n'était pas chômeur officiel. Mais lui, il a continué à chercher? Votre fils, il a continué ou il s'est découragé? Il a continué à chercher, mais il tombe chaque fois sur un entrepreneur qui voulait l'engager au noir. Et ça ne l'intéressait pas. Et votre fils, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, rien. Depuis combien de temps? Depuis quelques années, quand même. Quelques années, c'est 5 ans, c'est 2 ans? Facilement 10 ans. Mais il n'a pas de chômage, hein. Vous pensez que votre fils a une chance de retravailler un jour? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'expérience qui compte, hein. Le débutant, ça, on n'en veut pas. Il faut une expérience. Mais donc, ce monsieur ou cette madame... Ça fait chez les entrepreneurs. Mais les entrepreneurs ne veulent pas l'engager officiellement. Donc, comment faire? Donc 42 ans sans travail, c'est la faute aux employeurs? Moi, je pense que c'est la faute au système. Le forum ne s'intéresse qu'aux gens qui sont diplômés ou qui ont une certaine capacité, un certain niveau de QI. Mais pour le reste, ceux qui sont moins capables, au lieu de le prendre à la main, donc de l'accompagner sérieusement, non, ils ne font pas. C'est une accusation forte, hein. Je prends mon fluo même pour tout vous dire, pour la souligner. Le forum ne s'intéresse qu'aux diplômés et pas aux autres. On peut voir dans la suite de conversation si ça se confirme. Je vous laisse à Binche car la communication sonore est difficile. Rochefort, Didier, bonjour. Bonjour. Vous l'enviez? Moi, je l'envie et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que si cette personne est depuis si longtemps au chômage, c'est qu'elle a trouvé son équilibre. Dans un autre système où l'allocation universelle serait tout à fait normale, ça choquerait personne. C'est-à-dire dans un système... Oui, mais sauf que là, on n'est pas dans un système à allocation universelle, on est dans un système à chômage dégressif. On est dans un système à chômage dégressif, mais c'est bien la preuve de l'échec du système, c'est que ça choque. On serait dans un système autre, ça ne choquerait pas. On peut trouver son équilibre dans, non pas 6 mois sans travail, non pas 6 ans et j'aménage un peu ma vie. 42 ans, c'est une vie complète, c'est quasi une carrière complète. Certains partent à la prépension après 43 ans de carrière. C'est sa liberté à lui. Qui vous dit qu'il n'a pas une autre activité à côté? Qui vous dit qu'il n'a pas une activité artistique à côté, qui ne rapporte rien et donc qu'il est obligé de bénéficier du chômage? Qui vous dit qu'il est là à rien faire devant sa télé? Qui vous le prouve? Et donc il aurait fait le choix d'un épanouissement personnel au détriment d'une vie professionnelle? Tout à fait. Et c'est le choix de chacun, et je crois qu'on doit le respecter. D'un autre côté, je le déteste, parce que à cause de ce genre de personnes, effectivement, il y a eu des contrôles, il y a eu des abus, etc. Là, je suis d'accord, mais c'est tout simplement le système qui est mal fait. On perçoit à l'heure actuelle le travail comme une obligation. Moi, à titre personnel, j'ai besoin de travailler pour trouver mon équilibre. C'est un choix. Donc 42 ans sans boulot, vous ne pourriez pas? Moi, personnellement, non, mais c'est mon choix. C'est mon choix. Moi, j'ai besoin de travailler pour me sentir bien. Je travaille régulièrement. Je ne sais pas ce que c'est un an de travail sans travailler. Je prends tout ce qui passe parce que j'ai besoin de travailler pour mon épanouissement personnel à moi. Je vous repose la question alors, Didier, pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, on peut rester 42 ans sans emploi ou avec des emplois qui ne dépassent pas 3 mois et s'épanouir comme cela? Si c'est un choix, oui. Il y a des gens qui trouvent leur épanouissement comme ça. Et qui vous dit que c'est un choix? À l'heure actuelle, il y a du travail en Belgique. La preuve, c'est que moi, j'ai pas de diplôme. Demain, je peux être réassortisseur. Après-demain, je suis commercial. J'ai fait des formations, donc je ne suis pas resté sans activité. Et je ne sais pas ce que c'est un an complet sans travail. C'est la preuve qu'il y a du travail. C'est un choix, dites-vous. C'est là que chacun se fait un avis. Connectons-nous au 070-233-466. Zoé, il faut absolument instaurer un test à l'ONEM et au Forum pour différencier les demandeurs d'emploi qui ont une chance et les autres. Voilà ce qu'on vous suggère en ce moment. Oui, cette idée, c'est Patrick de Landerzel qui l'a eu. C'est un peu une idée de contrôle de capacité intellectuelle des chômeurs. Patrick l'a eu en regardant son frère évoluer dans la vie active. Voilà 6 ans que son petit frère est au chômage. Et c'est tout simplement parce qu'il a un retard, selon Patrick. Il écoutait tout à l'heure un de nos auditeurs prétendre que n'importe qui peut trouver du travail pour à l'heure actuelle. Mais c'est faux, selon Patrick. Pour être à la plonge dans un restaurant, il faut être rapide et réactif. Pour faire un boulot manuel, il faut comprendre assez rapidement ce que l'on vous demande de faire. Si vous êtes sur un chantier, vous ne pouvez vous permettre de retarder toute l'équipe. Et Patrick fait un constat, son frère est incapable de comprendre le moindre ordre. Il lui faut la moitié d'une journée, voire plus, pour comprendre ce qu'on lui demande de faire. Ce n'est pas possible pour lui de comprendre et de pouvoir répondre rapidement aux ordres d'un patron. Colfontaine, Jean, bonjour. Bonjour Benjamin, j'adore votre émission. Merci à vous d'être là. Ce chômeur de plus de 42 ans, vous avez envie de le féliciter? Non. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce que... Vous avez envie de l'engueuler? Oui, bien sûr, ça. Ben, c'est pas votre travail, c'est celui du Forum. Et visiblement, au Forum, on fait avec ça. Oui, mais écoutez, c'est trop facile. Moi, écoutez, je suis retraité. Et retraité parce que j'ai fait 3 AVC. Donc, moi, j'envie celui qui peut travailler. Moi, je suis ici, je suis pratiquement, disons, paralysé du côté gauche. Et ces gens-là qui peuvent travailler ne le font pas. Vous avez travaillé, Jean, pendant combien de temps? Oh, bien des années. Plus de 40 ans? Oui, parce que je me suis expatrié au Paraguay, 23 ans. Est-ce que 42 ans sans travail, c'est long ou c'est une petite période? Non, c'est très long. Il faut du moral, du mental pour tenir ça? Il faut aucune dignité. Quand j'ai commencé à travailler, je suis sorti de l'école et un chômeur, on me montrait du doigt. J'ai commencé comme terrassier dans une entreprise de vie. Et j'ai continué, j'ai évolué, je suis devenu chauffeur, machiniste. Mais ce chômeur ou cette chômeuse, elle n'est pas forcément montrée du doigt ce matin, c'est pas une unanimité? Non, mais écoutez, c'est trop facile là. Moi je suis ici dans mon fauteuil, je regarde, parce que je ne sais plus rien faire. Vous avez quel âge aujourd'hui, Jean? Je trouve le temps très long. Vous avez quel âge, vous, aujourd'hui? 66 ans. 66 ans et avec une carrière au moins de 25 ans. Merci d'être venu à nous, Jean. Bassange, rapidement, Roland, bonjour. Bonjour, Benjamin. Le dernier mot, vous l'enviez, voilà. Vous le détestez, vous le plaignez? Je vais vous dire franchement que je l'envie. Et je vais vous dire pourquoi. C'est dans le sens où j'ai travaillé pendant 34 ans au ministère de la Justice en tant qu'assistant administratif. J'ai 56 ans actuellement, je suis pensionné depuis 3 ans. Pour raison, je vais dire familiale, j'élève seul mes jumeaux de 13 ans. Je me suis laissé pensionner pour raison de maladie et j'ai 1200 euros par mois, sachant qu'un assistant administratif a énormément de responsabilités au niveau juridique vis-à-vis des juges, vis-à-vis de tas de personnes. Donc un oui ou un non. Est-ce que vous auriez pu faire 42 ans sans job, oui ou non ? Pour élever mes enfants, sans problème. Ah, pour élever les enfants, oui, mais peut-être pas dans ce cadre-là. Alors on reste là-dessus et on va dans un instant vers la question qui dérange. Demain, on sera tous livreurs à la place des facteurs. Chez Optique Buisseret, profitez du meilleur confort visuel. À l'achat d'une paire de verres Varilux, Optique Buisseret vous offre jusqu'à 500 euros sur la seconde paire. Conditions en magasin. Optique Buisseret, rue des Clarisses et Galerie Opéra à Liège et à Marche. Optique Buisseret. UEFA Euro 2016. Plongez dans l'ambiance avec vivacité. Vibrez avec les supporters. Retrouvez les dernières nouvelles des Diables, nos invités, nos analyses. Et surtout, vivez tous les matchs en direct. Jusqu'au 10 juillet, la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot sont sur les routes de France pour vous faire vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec France.fr et voyage-sncf.com. Biofine Le Pré, votre supermarché bio de la route du Condreau, fête déjà son premier anniversaire. Alors ce samedi 25 juin, on dresse un énorme chapiteau pour accueillir la foire du bio. Plus de 30 producteurs partenaires vous feront goûter plein de délicieuses choses. Et dans le magasin, c'est moins 10% sur tout. Allez hop, cadeau! Biofine. Biofine.be. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 57 l'appel. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur ? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Bonjour, pompe numéro 9, s'il vous plaît. Alors, au total, ça vous fera un maillot de cycliste, des sacoches et un vélo trek. Ah oui ? Super ! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station SO ou SO Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur so.be/fr/cycling, soumis à condition. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Demain, on pourra tous devenir livreurs de colis à la place de Bpost grâce à la plateforme Bringer. On appelle Bpost dans une seconde. Dernier commentaire au standard, Zoé. Un second commentaire de Karine de PM. Elle a envoyé un colis à l'étranger qui n'est jamais arrivé. Pire, il lui est revenu. Karine n'a jamais été remboursée. Elle se demande si avec cette concurrence, Bpost va enfin se bouger. Benjamin, elle vous demande de poser cette question au porte-parole de Bpost. Quelles améliorations au sein de Bpost vont-elles être aménagées ? Bpost, porte-parole en ligne. Baudouin de EPC, bonjour. Baudouin de Hepsey nous rejoint maintenant. Il est le porte-parole et va d'abord nous dire à quoi ressemble cette application qui s'appelle donc Bringer et qui crée autant de polémiques et de remous. Baudouin de Hepsey, vous êtes en direct sur Viva. Bonjour. Très rapidement, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'avec cette application, on peut demander à un particulier de transporter n'importe quel colis ? Non, pas n'importe quel colis. Il y aura bien sûr des mesures maximum en fonction des véhicules des chauffeurs. Mais donc ça veut dire qu'en fonction de la taille du véhicule, tout est envisageable. Si moi j'ai un camion à la maison, je pourrais livrer n'importe quoi. Tout à fait. Quelle est la rémunération de celui qui va véhiculer le colis ? Eh bien la rémunération du chauffeur sera déterminée en fonction de la taille, du poids et de la distance à parcourir pour l'envoi de ce bien. Vous avez les tarifs en tête ? Alors, le tarif se situera entre un envoi, un paquet standard, selon la formule bipack que nous avons, et donc il sera supérieur à ce prix d'un bipack standard, et il sera inférieur à une course express que nous faisons par ailleurs, en général dans le marché du B2B. Bon, pas de chiffres. Est-ce que c'est un piège ? Ça vise vraiment des particuliers, moi, le voisin, mon collègue, ou dans le fond, vous allez demander à tous vos postiers de devenir indépendants et de fonctionner comme ça en vrai faux indépendant ? Non, pas du tout. Donc il ne s'agit absolument pas de transformer notre réseau actuel de distribution avec des facteurs. Il s'agit d'avoir une offre complémentaire pour l'envoi de biens entre un point A et un point B. C'est un objectif de vouloir défendre le marché des paquets, de défendre l'emploi dans notre business des paquets et d'avoir une offre complémentaire qui vient se rajouter sur base de besoins de nos clients qui sont des besoins toujours plus spécifiques, toujours plus simples et toujours plus flexibles. Est-ce que ce système-là de livraison sera plus rapide qu'une livraison Bpost ? ça dépend de quelle livraison Bipost on va parler. S'il s'agit d'une livraison express, ce sera équivalent. Si on parle du Bipack standard, c'est une livraison en jour plus un. Et donc l'offre Bringer sera en effet plus rapide à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'elle sera aussi plus chère. Alors c'est là qu'on ne comprend pas. Si vous avez le Bipost express, pourquoi vous avez besoin de ce système-là? Vous avez un Bipost express? Parce que ce Bipost Express est surtout pour dans le marché du B2B. Et le marché que nous visons ici est plutôt le marché du C2C, donc entre consommateurs résidentiels. Mais vous auriez pu adapter l'offre Express pour faire, je reprends vos mots, C2C, consommateur. Vous pouviez aménager cette offre-là et fonctionner avec vos facteurs, enfin, ou vos livreurs. Oui, mais il faut bien comprendre le modèle opérationnel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc, notre réseau actuel est calibré et est organisé afin de pouvoir surtout livrer du Bipack standard en jour plus un. Et donc, nos clients veulent des solutions plus flexibles, plus simples et qui permettent d'avoir des envois plus urgents entre un point A et un point B. Vos mots, vous avez dit que c'est une offre supplémentaire. Donc, c'est très clairement une offre concurrente. Non, pas du tout, parce que les volumes que nous allons aller chercher, que nous recherchons avec cette offre Bringer, sont des volumes qu'aujourd'hui, nous n'avons pas dans notre réseau postal. La CSC Transcom se mobilise ce matin, est très inquiète, atteinte au personnel. Vous avez le mot rassurant, ou il y a un risque effectivement sur l'emploi? Non, pas du tout. Pas de risque sur l'emploi. Nous tenons vraiment à rassurer l'ensemble de nos collaborateurs. On comprend les craintes qui sont exprimées, mais il faut bien se rendre compte que l'objectif du projet Bringer est vraiment de défendre notre business dépaqué, mais d'avoir une offre complémentaire pour les besoins de nos clients. Donc vraiment, notre objectif est de défendre les paquets et cela ne va pas en rien affecter notre réseau de distribution des paquets qui existe déjà aujourd'hui avec des livraisons à domicile, des livraisons via les bureaux de poste, via les armoires de distribution des paquets. Tout cela va rester intact. On veut simplement aller capturer des nouveaux volumes avec cette offre complémentaire. Bon, ça équivaut à une promesse donc de nouveaux volumes qu'on ira chercher, mais pas de menace à l'emploi. Les facteurs postiers proches de Bipost vous ont entendu ce matin. Vous êtes Baudouin de Hepsey, le porte-parole de Bipost, et on l'a dit tout à l'heure, cette application est d'abord en test dans la région anversoise et elle s'installera peut-être sûrement demain sur l'ensemble du territoire. On va vers les enseignements dans un instant. Enseignement, c'est vous qui le dites. Vivacité présente, essayez plutôt la ville à vélo. Visitez l'expo Cité Cyclo au musée des transports à Liège du 28 mai au 30 novembre. Plus d'infos, www.musée-transport-avec-s.be. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, le Commissariat Général au Tourisme et le Tech. Je suis ennuyé, je viens de Leuze en Hainaut, entre Tours et Hattes, donc c'était la grande ville, un peu moins Bruxelles. J'ai commencé à habiter du côté du Parvis de Saint-Gilles, mais c'est surtout une soirée au Corbeau, endiablée avec des amis qui m'a fait découvrir Bruxelles, accessoirement ma femme aussi, donc c'était quand même une bonne petite soirée. Quoi. Vivacité, Bruxelles nous rend complices. Envie de vibrer où, quand et comme je veux? RTBF Ovio, le sport où, quand et comme je veux, c'est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Ils se sont donné une mission, foncer vers leurs rêves et assurer leur avenir. Leur arme, leur passion. Comme eux, forme-toi un métier en alternance. Rendez-vous le 22 juin lors de la journée porte ouverte IFAPME. Toi aussi, passe à l'action. Plus d'infos sur ifapme.be. Avec le soutien de l'Union européenne et de la Wallonie. Vivacité et la Une présente les Belgian Air Force Days. Les 25 et 26 juin, pour les 70 ans de la force aérienne, le deuxième wing tactique de Florennes vous ouvre ses portes. Patrouille acrobatique, avions d'hier et d'aujourd'hui, hélicoptères, expositions, animations. Info belgianairforcedays.be. Avec l'avenir et Canal C. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange, la plateforme Bipost qui nous permettra tous demain d'être livreurs sur la page Facebook, Marie-Ange Aumotte. Et vous êtes 37 548 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Avec ce commentaire de Nancy, elle trouve que Bipost est visionnaire. Elle explique que ce service n'échappera pas à l'économie collaborative. Alors plutôt que d'attendre que le modèle actuel de ces services soit dépassé, eh bien Bipost prend les devants et Nancy salue l'initiative. Par contre, elle regrette que les syndicats ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, c'est ce qu'elle écrit sur la page Facebook. Vous avez choisi une conversation sur cette statistique officielle. Un Wallon est au chômage depuis plus de 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez. Dans les enseignements de ce matin, dès qu'il y avait de l'envie, vous aurez noté que ce n'était pas l'envie de faire la même chose, mais bien l'envie, parce que celui-là a échappé au système. Vous êtes quelques-uns à avoir estimé que ce choix de vie pouvait effectivement être un choix de vie. C'était un choix de vie pour l'équilibre et non pas un choix de profiteur. Enfin, une charge contre le Forem qui ne s'intéresserait qu'aux diplômés, d'après Olivier Abinche, et qui serait également incapable de remettre ce genre d'individu au travail. Dernière personne, Zoé, à laquelle vous avez parlé au standard. C'était Renaud Gilly. Il n'y a pas que les chômeurs, selon lui, qui profitent du système. Son voisin a travaillé 45 ans et touche 1030 euros. Sa voisine, qui a plus ou moins 40 ans et qui n'a jamais travaillé de sa vie, touche 1070 euros de pension de survie. Son mari est décédé et elle n'aura jamais à travailler. Il lui suffit, selon Renaud, de profiter du système. Pire, si elle se met au boulot, sa pension diminue. Dans ces conditions, rien ne l'encourage à reprendre le travail. À 9h, il y avait trois débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur l'homme qui ne travaille pas depuis 42 ans. Parmi les moments de ce matin, il y a eu Damir de Tongres à 10h15, ce chômeur de carrière. Il le déteste du travail. Il y en a en Belgique, il n'a qu'à chercher. Je le déteste parce que je comprends pas qu'en Belgique, on sait pas trouver du boulot. Moi, j'habite ici depuis 15 ans. J'ai toujours eu du boulot. C'est la volonté, la bonne volonté qui compte. J'ai été aussi au chômage. Malheureusement, j'ai été au chômage quelques temps. Je ne l'avais pas fait un an, mais si on veut, on trouve. Ben, j'en plains certains, quoi. Je ne dis pas qu'il y en a pas qui profitent un peu de la chose, mais je crois qu'au chômage, on gagne pas grand chose. On a créé des emplois à court terme, mais pas à long terme. Les petites mains, ben, elles disparaissent. Et tout ça, ben, c'est des petits emplois qui foutent le camp. Moi, je le félicite qu'il ait 42 ans au chômage par la simple raison qu'ils ont bien voulu l'accepter au chômage. Si on a la volonté d'y travailler, on trouve toujours. Oh, mais la volonté, c'est pas encore la capacité intellectuelle. Mais la capacité intellectuelle, il y a tellement des métiers qu'il ne faut pas être intellectuel, monsieur. Vous savez, pour laver une casserole dans un restaurant, il ne faut pas être ingénieur. Hein. Je pense tout simplement qu'il faut avoir un peu plus de... pas d'orgueil, mais je ne veux pas vivre au crochet de la société. Je pense que tout le monde donne un peu de son tribut, mais je pense que ces gens-là en profitent largement. Dans un sens, je le plains parce que je suis moi-même au chômage depuis presque un an et c'est vraiment très difficile de retrouver du boulot, surtout quand on veut se recycler. Quand on a certaines exigences par rapport aux horaires, quand on a des enfants, c'est assez difficile. Moi, j'ai envie, et je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que si cette personne est depuis si longtemps au chômage, c'est qu'elle a trouvé son équilibre. Dans un autre système où l'allocation universelle serait tout à fait normale, ça choquerait personne. C'est donc la première de la semaine et nous verrons si c'est une semaine de 4 jours ou une semaine de 5 jours, 24 juin, jour de grève nationale. Vous laissez tous vos commentaires sur l'actu, sur la page Facebook, c'est à ça qu'elle sert et avec courtoisie, s'il vous plaît. Voilà pour nos 2 heures de dialogue, on se retrouve demain mardi, ciao.